Ah, Vanille, on y était presque, mais c'est Julia quand même en premier. On t'écoute, Julia. C'est la M5. Mais de où tu te souviens de ça, toi? Oh là là là là là là, bonne réponse là. T'as même pas connu en plus les L5. Mais si, j'ai connu, bien sûr que si. Oh là là là là. Mais tu vas te taire, toi. Ah, pardon, mais ça fait tellement plaisir. Les L5, ça fait plaisir à écouter. Vanilla, Julia. Voici le troisième extrait. Vanilla, si tu veux gagner aujourd'hui et devenir maître du duel, c'est maintenant que ça se passe. Bonne chance. Julia. Oh là là là là là. Elle m'énerve. Julia. Il fallait pas me choisir ce thème, c'est les Pussycat Dolls. Bon, alors à noter avec Julia, ne plus jamais faire les girls men. Hein. Bonne réponse, c'est bien les Pussycat Dolls. Le groupe de Nicole Scherzinger. Eh bien, ça fait 3 points, ça fait 300 euros pour toi ce matin, Julia, puisque tu vas rester maître du duel. C'est bien parti pour. Vanilla, tu peux sauver l'honneur. Il reste 2 extraits. Oui, celui-là, tu devrais le trouver, Vanilla. Il est pour toi. C'est parti. Vanilla, Julia. Vanilla en première. Vanilla. On t'écoute. C'est les Spice Girls. Ah, think about the one, think about the one. Think about the one. Les Spice Girls qui se reforment d'ailleurs. Ils vont refaire sans concert. Sans Victoria Beckham. Pas au complet. Ouais, pas au complet, oui. Sans poche. Sans poche. Si, c'est poche Spice. Bah, oh, du coup, excusez-moi, hein, mais c'est pas vraiment les Spice Girls alors. Oh, ça sert. S'il n'y a pas Victoria, il y a. Non. C'est comme si tu faisais deux masques, deux, mais tu prends pas Jim Carrey. Ouais, de toute façon, elle chantait pas le tirer la tronche. Julia, Vanilla, il reste un seul extrait. Et Vanilla, c'est pas mal, tu as défendu l'honneur puisque tu gagnes un point. Bon, c'est pas ça qui va te donner la victoire, mais c'est pas mal. Bah, c'est bien ça. Tu nous fais économiser des sous. Merci à toi. Voici le cinquième et dernier extrait, les filles. Bonne chance. Vanilla. Oh. Non, c'était Julia. Non, c'était Julia. Julia, elle a dit pardon. Julia au ralenti. Je crois que c'est. Julia, on t'écoute. Afro quelque chose, je ne saurais pas vous dire. Afro mais... quelque chose, non. Vanilla. Non, je connais la musique, mais pas qui chante, désolée. Mais y'a mec, et c'est bonbon. Ah, dommage, dommage. Bah alors, Aurélie. Zouk Machine. Zouk Machine, mais oui. Ça, c'est la musique typique de mariage. Tu mets ça tout le monde écoute. Il y a tout le monde qui va retourner danser. Mais ton plat va être chaud, Monique. Je m'en fous, laisse-moi danser. Julia, Vanilla, eh ben c'est un beau duel ce matin, mais ça reste une victoire de Vanilla qui reste notre maître du duel. Julia. Julia, pardon. Avec l'autre qui dit ton plat va être chaud et... Non, et Julia reste notre maître du duel. 1200 euros ce matin, plus 300 euros gagnés. 1500 euros pour ton bravo. Ah, je suis trop content, merci beaucoup. Ah ouais, bah tu m'étonnes, c'est un salaire déjà. Un beau salaire. C'est un beau week-end là. Ah bah tu m'étonnes, on est pas mal. Vanilla, bien essayé, dommage. Merci d'être passé en tout cas ce matin. Merci à vous, un bon week-end à tous. À bientôt. Bisous. Bisous, bisous Vanilla. Et puis bah Julia, on te donne rendez-vous lundi, alors lundi 8h05. Super, bon, je serai là. Bon week-end. Bisous, bisous. Bisous Julia. Lundi 8h05, rendez-vous pour le duel énergie. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. Je vais t'ouvrir les portes de l'équipe. Frérot, si t'assumes, t'inquiète pas pour l'oseille. On a perdu une tonne, on va se refaire vite. Une sortie du Vénès, de contact à Marseille. Mon petit loup, la rue t'appelle, oublie ton cartable. T'es déterminé, on le verra bien assez tôt. Qu'est-ce que t'es prêt à faire, de quoi t'es capable. Comme un vu millionnaire, par là c'est pas le pédo. Ils veulent faire la guerre.

recherche du cadeau idéal, trouvez-le dans un magasin Krefel ou en quelques clics sur krefel.be/KDO. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. And you're listening to Énergie. Nous sommes le lundi 17 décembre, il est 6h02. Bonjour! Bonjour! Ah, oh, trop bien cette chanson! Ben oui, dites! I don't want a lot for Christmas. On y est, c'est la dernière ligne droite avant Noël, avant les vacances. Vendredi, ça y est, c'est officiel! Les deux semaines de grâce sont ouvertes! Oui! On va manger comme Jaja et on va surtout passer du bon temps avec les gens qu'on aime. Ah, c'est déjà pas Noël? C'est moi, je mange déjà gras comme jamais. Hein. Nous allons évidemment en profiter de cette période avec vous, cette dernière semaine avec vous, les fifous. On espère que tout va bien ce matin. Toute l'équipe est là. Bonjour, Tiffany. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Ah, bonjour. Elle est rayonnante. Ouais, elle a passé un bon week-end. Chante-nous la musique. J'ai pas encore mis mon cœur. J'en peux plus. Ça va être trop aigu, oublie, c'est trop tôt. Nous sur Énergie, on va les passer ensemble, croyez-moi. Je vous assure que ce week-end, j'avais le choix entre faire les cadeaux ou rester à la maison. J'ai fait le choix, rester à la maison. C'est vrai? Du coup, les cadeaux, ça va être ce week-end, ça va être génial. Je vais kiffer avec tout le monde. Purée, j'étais ce week-end, c'était horrible. Ah ouais, bah, horrible. Voilà. Va falloir y aller à un moment donné. En tout cas, on est ravis d'être avec vous, c'est lundi. Dernière semaine du 6-9 avant les vacances. Vendredi, émission publique. Ouais, avec Alice on the Roof qui sera notre invitée, ça va être très sympa ça. On aura du cadeau, on va mettre du cadeau sous le sapin, comme ça pour tous ceux qui vont venir nous voir, vous aurez un petit cadeau à déballer. Cool. Ça va être trop chouette. Bon, pas encore mis de papier cadeau, mais ce sera du papier cadeau comme la dernière fois à mon avis. Oui. Il nous reste quelques journaux, on va se débrouiller avec ça. Comment ça va ce matin, Jérém? Bah, très bien, très très bien. C'est un pull de Noël que tu nous as mis déjà aussi. C'est mon vieux gilet du dimanche, il est moche que tu te moques à chaque fois, mais il est chaud quoi. Ah, c'est le même, pardon. Oui, c'est le même. Ouais. C'est le même. Un petit flocon, et voilà. Ça fait au moins, je crois, au moins 7 ans que je l'ai. Eh ben, garde-le. Garde-le encore pendant 70 ans. Tu sais, c'est le gilet que tu mets pour sortir les poubelles chez toi. Non, c'est le gilet que tu mettras dans 70 ans pour sortir aussi. Eh bien, Jérém a beaucoup de respect. Il met le gilet du dimanche pour venir avec nous. Voilà, merci Jérém. De rien. Yannick Farkas avec nous aussi ce matin de la rédac. Bonjour. Salut Marco, salut à tous. Alors, la météo aussi, on est curieux de savoir parce que ça caillait ce week-end, mais ça y est, c'est fini. Ouais, aujourd'hui, il fera plutôt doux, donc il fera pas caillant comme la semaine passée. La journée débutera sous un ciel gris avec de la pluie. Ensuite, plus de pluie durant la journée, mais quelques éclaircies. Les maxima aujourd'hui compris entre 4 et 9 degrés. Idem pour ce soir avec quelques brouillards en plus. Ah bien, ben voilà. Ça va, oui. Sympathique. La neige a failli venir et puis non, je sais pas, fait demi-tour au dernier moment. Je me suis dit, oh non, pas là, Belgique. Ce qui est dommage. Ouais. J'aurais bien aimé un petit Noël blanc, moi, je vous le dis. Dans un petit instant, ABC Song sur Énergie. Tu puesta pa' mí haciendo que me odien más porque todos te quieren probar lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera y todos te quieren probar lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Hasta mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral. Yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Yeah. Te toco y hasta el mundo deja de guiar. A nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía. sabes que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Conmigo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu cobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu cobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Dile que tú eres mía de Telay. El yerno favorito de tu mic. El caco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera para recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Ay, ay, ay. Todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Lundi 17 décembre sur Énergie, c'est Jean-Wit, on espère que tout va bien. Bon réveil avec nous. Klingande et Broken Back, ça arrive dans un instant. Oui, la discrétion à l'état pur, vous l'avez connu, vous la reconnaissez, c'est Tiffany évidemment. Voilà. On va faire un ABC Song, on va voir si t'es aussi drôle à l'antenne qu'en antenne, Tiffany. Ouais. ABC Song ce matin, vous connaissez le concept, hein. Je donne une lettre et il faut démarrer en chanson tout de suite. Genre okay. A, que le. Voilà, ouais, par exemple. Et ce matin, je mets en jeu le calendrier de l'Avent. Oh, que nous avons. Oh, ça veut dire que celui qui gagne peut prendre le chocolat qu'il y a dans la case numéro. Ouais, enfin, il est resté près de Frisco encore cette semaine, donc à mon avis, non, je te jure que j'ai rien fait, non, je te jure. Oh, je peux, même ce week-end, il n'y a pas. On est quelle date? On est le 17. 17. Oh, bah, dites-moi. Oh, bah, il y a même le 14 qui est resté, tiens. Ça c'est pas normal. Ça, c'est incroyable ce qui s'est passé sur ce calendrier de l'Avent. T'es sûr qu'il est resté à côté de ton bureau, toi? Bah, ouais, je te jure, mais j'y ai pas touché. Bon, et bah, très bien. Il y a du calendrier, du chocolat. Vous allez pouvoir choisir, parce qu'en effet, il reste le 14 aussi, qui est un petit cœur liqueur. Voilà. Bref. Oh non. Non. Oh. ABC Song, Tiffany, la lettre C. C'est l'amour, mour, mour, mour. Je valide. Bien. Je valide. Oula, il y a encore Noël ici. Jérém, la lettre E. Et là. Ouais. Bien. Je valide. Frisco, lettre J. Je ne veux pas travailler. Ouais. Je ne veux pas déjeuner. Je veux pardon. Seulement l'oublier. Et puis je fais des trucs pas bien. Pour la santé. Être Y, Tiffany. Ya ya ya Caléo, ya Caléo. J'aime ça, elle y arrive, c'est incroyable. Être T, Jérém. T'es là ou t'es pas là? Tout l'amour que j'ai pour toi. Attends. Ouais, non. Non. Tout l'amour que j'ai pour toi. Non, c'était nul. Tata yo-yo, vieux. Tata yo-yo. Mais il y en avait plein. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? On parle à l'ancienne. Elle est partie. Oh là là là. Eh, Tiffany, la lettre B, tiens. B. Bah, j'ai pas de... Enfin. Baby. Ah ouais. Justin Bieber. Bah ouais, Justin Bieber. Il y en avait plein. Oh, big bisou. Oh. Ah bah dou. Allez, on finit avec toi, Frisco, la lettre M. Macarena. Macarena. Macarena. Je savais pas que tu parlais espagnol, moi. Ouais, c'est évident. Je suis bilingue. I'm fluent. Espagnol, troisième langue. Sono fluente. Eh ben, je laisse à Tiffany et Frisco le choix de l'un ou l'autre. Faites un Shifumi pour vous départager. Moi, Shifumi. Régime, Shifumi. Frisco, tu peux le prendre. Mais. Ok, d'accord. Shifumi, si tu veux, mais. Vas-y, Shifumi, vite. Shifumi. Mais. Oh, elle fait un Shifumi, elle fait un bras d'honneur. Mais oui. Elle fait Shifumi, elle fait les trois trucs en même temps. C'est hyper radiophonique. Ouais, j'en peux plus. Ouais, c'est Kingan et Broken Mac. We ride to the north and to the south, to the west and wonders. Burning all these eyes, tell me, should we go somewhere high together now? Till the eastern colors, love is undercovers. I we ride to the north and to the south, to the west and wonders. Burning all these eyes, tell me, should we go somewhere high together now? Till the eastern colors, love is undercovers. Zara Larsson dans un instant. On espère que vous avez passé un bon week-end. Les plus fous, c'est une nouvelle semaine qui démarre. On la démarre avec vous, évidemment. Et on va parler, tiens, de ce qu'on a pu découvrir ce week-end. Parce que c'est vrai, on découvre des trucs des fois. Hein. C'est vrai. Pas forcément le week-end, même en semaine. Vous allez nous raconter ce que vous avez pu découvrir ce week-end, que ce soit... Moi, j'ai découvert un truc de dingue, les gars. C'est vrai ? Une activité ? Ouais, on peut dire ça, on ouais. peut dire ça. Quand dis découvrir, c'est ce qu'on a testé, quoi. Ouais. Ouais, ou découvrir, vous pouvez aller faire un magasin. Par exemple, moi, je suis allé faire un magasin, j'ai découvert un truc qui n'existait pas. Ah, ok, enfin, c'est okay, pas le cas, par exemple. Je suis resté chez moi tout le week-end, donc j'ai pas découvert grand-chose. Mais on va parler de ça dans un instant, c'est pour exemple. Ça arrive juste après Zara Larsson. C'est le 6-9. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h. C'est vous qui programmez. Vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits Énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist Énergie, inspirée par vous. Ah, l'hiver. Rien de plus magique qu'un sapin de Noël joliment illuminé. Wow. Sauf peut-être les feux full LED de votre nouvel Opel. Wow. Alors profitez dès maintenant de conditions salon sur toute la gamme Opel lors des deals d'hiver Opel. Surfez vite sur opel.be. Colishop présente la roue de Noël. Attention, faites tourner. Oh là là, je propose une crèche. Je suis désolé, Marie, c'est la cruche que l'on cherchait. Oh, c'est vrai. Mais vous en faites une bien belle. De crèche. Au revoir, Maryse. En ce moment, chez Colishop, jusqu'à moins 50% sur tout ce qui va en cuisine, sur la table et sous le sapin. Si la curiosité n'existait pas, vous n'auriez jamais été tenté d'acheter tous vos cadeaux à la Fnac. Alors ça, c'est pour Sophie. Et tout cela, c'est des cadeaux de moi à moi. Pour les fêtes, découvrez à la Fnac plein d'idées cadeaux pour vos proches et pour vous-même. Fnac, libérez votre curiosité. À la fois responsable de magasin et livreuse, elle sait tout faire. Elle, c'est Marie-Paul. Polyvalente, vendeuse de primeurs. Elle a plus d'une corde à son arc avec son nouveau Citroën Berlingo Van équipé de 20 aides à la conduite et de la navigation connectée. Nouveau Citroën Berlingo Van. Comme vous, il sait tout faire. Élu International Van of the Year 2019, disponible en deux longueurs à partir de 129 euros par mois. Et 50% sur toutes ses options. Citroën. Offre réservée aux professionnels. Conditions sur business.citroën.be. Zara Larsson qui va arriver sur Énergie après un petit point sur les routes. Yannick, ce matin, ça donne quoi ? Eh bien, le trafic est uniquement perturbé entre Tournai et Blandin pendant 4 km. Cet embouteillage est en croissance et pour l'instant, vous perdez 10 minutes. Pour le reste, eh bien, ça roule. Énergie. I miss you. I wish I knew what I had when I left. I miss you. You said fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone and I'm starting to freeze. Baby, come bring me hell, let it rain over me. Baby, come back to me. Yeah, I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, let it make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. I miss you. I know you missing me too, like you should. I miss you. You set fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone and I'm starting to freeze. Baby, come bring me out, let it rain over me. Baby, come back to me. Baby, come back to me. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Yeah. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, that'll make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Pardon, sur NRJ. Dino, mec, j'ai déjà envie que l'émission soit finie. Il veut déjà être en vacances, les gars. C'est vendredi, ouais. Et non, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qu'on démarre ensemble avec vous, les fufous, sur NRJ. On va parler, tiens, justement, du week-end. Est-ce qu'on aurait pu découvrir ce week-end? Il y en a qui ont peut-être fait des découvertes, qui ont appris quelque chose. Ouais, ouais, j'ai fait une découverte de ouf. Frisco, on t'écoute. Le room service. C'était génial. Ouais, c'est la première fois que j'étais dans un hôtel et que je commande depuis ma chambre de la bouffe et qu'on me l'amène. Il n'y a pas que dans les films. Non, je te jure, c'était trop bien. T'as jamais fait ça de ta vie? Non, et j'appelle le numéro et je vois room service. Je fais, mais non. Et donc je dis à ma copine, vas-y, on commande. T'es cap ou pas cap? Tu vois, genre vraiment, on était ouf. On était chaud. Et je fais, bonjour. Je peux recommander ici pour avoir à manger dans ma chambre? Il fait, évidemment, monsieur, que voulez-vous? Et je lâche, mais c'est génial! Et j'ai kiffé, j'ai pris un plat. Alors, le monsieur est venu avec une cloche au-dessus de mon assiette. Quoi, en mode. Y a vraiment les cloches au-dessus des assiettes? C'est trop bien! À partir du moment où tu payes 50 balles ton assiette, il peut te foutre une cloche dessus. Hein. Honnêtement, ça allait. Franchement, non, c'était pas si cher que ce. C'était comme si j'allais au resto normal, quoi. Ouais. Sauf que dans ma chambre. C'est génial! C'était trop bien. J'ai ouvert en peignoir et tout, tu vois, vraiment comme dans les films. Après, j'ai pas fait une demi-extroscan, hein, parce que j'étais avec ma gobine, mais. J'étais vraiment. Qui ouvre son peignoir? C'est la surprise. Non, c'était trop bien. Ah, le mec a découvert le room service. Ah, c'était génial. C'est drôle. C'est drôle. Franchement, j'étais comme un enfant, comme dans les films. J'ai fait des snaps et tout. Tu vois, vraiment comme un ouf. C'est n'importe Par quoi. Par contre, si tu réessayes ici, ça fonctionne pas. Oui. Ou chez toi aussi, ça marche pas. Ouais. Mec, il va appeler sa mère. Room service, tu peux. Non, mais je sais bien. Si, sinon j'aurais déjà fait. J'adore. Essaye ce soir et tu te filmes. Tu vois la réaction de ta maman. Mais t'es complètement malade, toi. Ça peut être drôle. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Las Vegas 21. Ouais. Le mec qui va tous les week-ends faire du blackjack à Las Vegas, c'est qui la semaine est en études. Ouais. Et lundi, il arrive, il appelle l'accueil de l'école, tu vois, en disant un paquet de frites, s'il vous plaît. Enfin, je sais plus ce qu'il commande. Et la mec, il dit, mais vous êtes malade, ici. C'est ce qui pourrait t'arriver, mon fils. Ouais. Ne prends pas trop l'habitude. Non, t'inquiète. Tiffany, tu as découvert ça ce week-end, ça a changé ta vie. Ou alors, vous allez vous dire que j'ai une vie passionnante. Alors, je pense que c'est ce que vous vous dites depuis le début. Mais ouais, bah, évidemment. C'est bien parce qu'elle fait les questions et les réponses. Voilà, mais ce week-end, j'ai découvert des muscles dont je n'avais aucune connaissance, tu vois. Qui, toi? Ouais. Alors, c'est quel muscle? Bah mes jambes, c'est rien. Mais en tout cas, j'ai été repeindre mon ancien qu'est-ce appartement que parce que je dois. C'est pas qu'est-ce que tu vas encore foutre dans ton ancien appartement. Mais parce que je dois le retaper. Ce qu'il y a, c'est que j'avais. Enfin, je dois le retaper. Je dois repeindre en blanc. Mais là, ça fait deux ans qu'elle occupe à peindre. J'ai l'impression pareil. Mais j'avais pas tout fait. Du coup, là, ce week-end, j'ai été remettre de la peinture. Eh ben, mon vieux, j'ai des crampes depuis hier, mais j'ai l'impression... Et attends, juste une question, comment ça se fait que t'as mal aux jambes alors que tu peignais? Tu peins avec tes pieds ou quoi? C'est vrai, j'avais ça. J'avais pas d'échelle, du coup, je faisais la grenouille comme ça. Oh là là là là là là là. Ça fait depuis le mois de septembre qu'il déménage. Ah ouais. Mais non, mais j'ai l'impression que la... on va arriver en juin, elle va faire. Non. Ça y est, je suis installée. Mais là, je dois rendre l'appartement pour fin décembre et donc du coup, c'est un peu le. Tu l'as toujours pas rendu. Le bas de combat quoi. Ouais. Mais t'es déjà dans l'eau depuis un mois. Ah ouais. Bah parce que non mais. Logique, tout va bien. Moi, j'aime bien ces proprios. Hein. Pour tout travaux de peinture, n'hésitez pas. Tiffany Peinture, les travaux qui commencent un jour, mais non, qui finissent, on ne sait pas. Oh, le slogan de ouf que tu viens de me dire. Les travaux qui commencent un jour et qui terminent. Enfin bon, du coup, j'ai mal aux jambes, mais j'amènerai pas de bouffe à personne, quoi. D'accord, merci. Oh là là, en plus, elle fait des liens entre les histoires, etc. Elle fait des crossovers. Ouais, des crossovers. Tranquille. Jérém. J'ai découvert deux choses. C'est qu'on pouvait être champion du monde dans une discipline. Ouais, bravo, ouais, bravo. Ok, le hockey, ouais, bravo, bravo. Red Lions, superbe. Et ils arrivent à Zaventem maintenant. C'est vrai. Voilà, 6h30. J'ai découvert autre chose, c'est que 5 vins chauds blancs, ça peut faire mal à la tête. Du vin blanc chaud. Alors j'ai découvert le vin blanc chaud déjà l'année passée. Et avant je prenais toujours le vin chaud rouge. Et j'ai découvert le vin blanc chaud, c'est vachement bon. J'étais avec ma copine faire des marchés de Noël ce week-end du côté de l'Allemagne. Et non, c'était super bon, mais le lendemain on avait tous les deux mal à la tête. Et c'est bizarre, vin chaud blanc, ouais, je connaissais pas, tu vois. Ah ben, goûte, c'est super bon. Ouais, je goûterai. Je préfère quand même avec des glaçons, moi, personnellement, mais bon. Et toi? Moi, c'est pas moi qui ai découvert, c'est ma femme. Elle a découvert Instagram, tu vois. Je l'ai vu. Oh là là. Non. Là, là, là. Mais elle a découvert Instagram. Ouais. Je me suis tapé des barres, elle fait des boomerangs, on dirait qu'elle a Parkinson. Elle a pas compris le concept de boomerang. Alors elle est là, tu sais, elle prend en photo un truc, puis elle tremble comme ça, elle fait boum. Elle avance en tremblant comme ça, c'est qu'est-ce que tu fais? Elle me fait, je suis un boomerang. Oh là là là, mais un boomerang, c'est toi qui dois bouger, c'est pas. C'est génial. Le sapin, genre elle prend le sapin, puis tu sais, elle tremble comme ça, elle fait. Comme toi, tremble. Ouais, bref, elle est magique. Elle a découvert les stories Instagram, j'en pouvais plus, elle mettait tout, le papier toilette, la toilette, le truc. We are in my head. In my head. This is where we all come from. The dreams we had, the love we share. This is what we're waiting for. In my mind, in my head. This is where we all come. In my mind, in my head. This is where we all come.

down on me. On the run, but we're never there. Take no time coming up for air. There's a deeper feeling that this life's not fair, I know. Lay your worry down on me. Curiosité, vous n'auriez jamais trouvé à la Fnac les cadeaux qui font vraiment plaisir. Ça vient de la Fnac ? Oh, merci ! Ben, ouvre-le d'abord. Ah oui, Fnac. Fnac, libérez votre curiosité. Dans un petit instant sur Énergie, Marshmello qui va arriver côté l'actu. Et là, un point sur la météo pour aujourd'hui. Ça donne quoi ? Ben aujourd'hui, il fera plutôt doux. Il ne fera pas caillant comme la semaine passée. La journée débutera sous un ciel gris avec de la pluie. Ensuite, des éclaircies durant la journée. Les maxima aujourd'hui compris entre 4 et 9 degrés. Idem pour ce soir avec quelques brouillards en plus. L'actualité de ce lundi 17 décembre, c'est avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. On est champion du monde et oui, l'équipe belge masculine de hockey a remporté la finale de la Coupe du Monde face aux Pays-Bas. Les Belges ont remporté la rencontre au terme d'une séance de tirs au but extrêmement stressante. Une victoire historique puisqu'il s'agit du premier trophée mondial d'une équipe sportive belge. Près de 200 pays se sont mis d'accord samedi en Pologne sur une série de règles sur le climat. Il s'agit en fait de mettre en œuvre l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Les représentants des pays à la COP24 travaillait depuis deux semaines pour produire un règlement pour endiguer le réchauffement climatique. Il y a quelques semaines, les scientifiques du GIEC tiraient la sonnette d'alarme pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Les manifestations hier à Bruxelles ont été marquées par des incidents et notamment par des affrontements entre policiers et manifestants. Le parquet de Bruxelles a confirmé l'arrestation judiciaire de 6 personnes. Ces personnes ont été privées de liberté dans le cadre des manifestations contre le pacte migratoire. 3 de ces personnes sont suspectées, d'avoir occasionné des dégradations au Berlaymont, l'un des bâtiments de la Commission européenne. 2 personnes sont suspectées de faits de rébellion armée. Enfin, la dernière personne a été privée de liberté parce qu'elle est suspectée de faits liés aux stupéfiants. Les médecins se plaignent d'un manque de places de parking. 1 médecin sur 8 a reçu une amende pour stationnement et ce, plusieurs fois par mois. L'usage de la voiture reste dominant chez les médecins et selon les médecins, il faudrait prévoir des places de parking exclusivement destinées aux généralistes et elles devraient être bien réparties dans toute la ville. De plus, les médecins demandent aux autorités locales de fournir aux médecins des autocollants à apposer sur leur voiture pour les exempter d'acheter un ticket de parking. Enfin, en football, le Standard de Liège s'est imposé facilement face à Zulte Waregem 4-1. Anderlecht, lui, s'est incliné au Cercle de Bruges 2-1. Le Sporting d'Anderlecht a d'ailleurs décidé de se séparer de son entraîneur Hein van Azenbroek en cause les mauvais résultats répétitifs du club bruxellois. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Le 6-9 sur Énergie. C'est vraiment de la balle. Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Il est 6h35 sur Énergie. Bonjour. Bonjour. C'est lundi 17 décembre. On démarre cette nouvelle semaine ensemble. On va la finir en beauté avant les vacances, croyez-moi. Dans un petit instant, c'est les blagues du 6-9. Vous avez des blagues, les oui, gars oui, oui, oui, oui. Affûté comme jamais. Ouais. J'ai peur de Tiffany. Je vous le dis tout de suite. Les blagues du 6-9, ça arrive. C'est juste après Marshmello sur Énergie. Bienvenue. Lately, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. Smile, no, that means I'll have to leave. And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. Know that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So sur Énergie, Panic at the Disco. C'est la suite des hits ce matin pour vous mettre de bonne humeur en ce lundi pour bien démarrer la semaine avec nous. Et on va démarrer en beauté avec les blagues du 6-9. C'est les blagues du 6-9. C'est comme ça tous les lundis à 6h35 plus ou moins, moins. Blague du 6-9. On chante bien quand même, hein. Ouais. Incroyable. Blague du 6-9 comme tous les lundis à 6h35. On démarre en beauté, on démarre avec Tiffany. Eh oui, alors c'est une femme qui prend son bain et puis son chien pète et elle se noie. Alors à votre avis, pourquoi? Oh là là, elle est connue depuis 10 ans. 5 euros. Allez, 5 balles dans la cagnotte. Oui. Merci, t'aurais pu travailler quand même. C'est celle-là dans la voiture, il y en a qui. Ah, je connaissais pas, c'est nul. Oui, c'est le Pékinois, quoi. C'est, voilà. C'est, pff, c'est nul, on est d'accord. Oui, hashtag 5 balles. Frisco. Oui, alors, hier soir, j'ai pris une douche avec ma copine. Elle m'a dit: tu m'excites, fais-moi des vilaines choses. Je lui ai mis du shampoing dans les yeux. Ça, c'est une vanne. Excellent. Elle est pas contente. Et moi, j'adore celle-là. Jérém, une bonne blague. Justement, moi, c'est sur le thème de Noël. Et alors, justement, c'est un petit garçon qui dit: dis, papa, qu'est-ce qu'une fiancée? Alors, le papa, il est un peu embêté. Il dit: comment je vais expliquer ça à mon fils? Bon, une fiancée, c'est comme si je t'achetais une bicyclette à Noël et que tu n'aies pas le droit de t'en servir avant les grandes, grandes vacances l'été. Ah, c'est ça, une fiancée. Mais je pourrais quand même jouer avec la sonnette. C'est mignon. C'est mignon. C'est de la mignonnade. J'ai de la mignonnade du caleçon. Une petite blague. Vas-y, Marco. C'est comme si j'étais avec Tiffany. Tu vois, je suis avec Tiffany. Okay. Je regarde Tiffany. C'est flippant déjà. Déjà, ouais. Je la regarde et tout, comme ça, vraiment de manière insistante. Et elle me dit: mais pourquoi tu me regardes? Alors moi, je lui dis: bah, j'ai le hockey, Tiffany. Et alors? Bah, j'essaye de me faire peur. Ça peut marcher, hein. Moi, j'ai une blague pour Tiffany, un peu comme style pékinois. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chapin? Un chapin de Noël. J'adore. Attends, un chapin. J'en ai une autre pour Tiffany en parlant de paix. Allez, vite. Quand une caissière s'absente 2 minutes, peut-on dire qu'elle a lâché une caisse? Oh. T'es un peu drôle, hein. Allez, 5 euros. Non, mais non. C'était pour Tiffany. Allez, blague du 6-9, ça peut vous coûter cher, les gars. Attention, c'est tous les lundis à 6h35, blague du 6-9. Si vous avez des blagues aussi, donnez-les nous, hein. 30-18 par SMS, voici Panic at the Disco.

Salut les fifous. Salut. Oh, ça c'est la voix du matin. La voix du lundi. Oui, la voix de... je viens de me réveiller. Ben voilà, ça s'entend. Il n'y a pas de souci, Lindsay. Sois la bienvenue avec nous dans le 6-9. Bon réveil. Merci. Que tout se passe bien pour ce réveil et qu'il soit, j'espère, pour toi, gâté de cadeaux. Puisque nous allons jouer ensemble au Jimitki. Donc c'est simple, on a un petit bocal avec des personnalités. Chacun de l'équipe va imiter au mieux qu'il peut la personnalité. Et tu vas essayer de deviner. D'accord ? Ok. C'est pas gagné d'avance, je te le dis. Où est le pot ? C'est Jérém qui l'a. Qu'il est. Allez, vas-y, mon Jérém, tu peux démarrer avec une première personnalité à imiter pour faire deviner à l'INSEE ce matin et essayer de lui offrir du cadeau. Ok. C'est bon ? C'est bon. C'est parti. Je pense que je vais aller danser. C'est quoi ça ? Alors là ? Je pense. Je vais pas chanter sinon c'est trop facile. Ah, mais... Frisco ? Parce que j'ai reconnu un vieux accent marseillais, c'est soprano ? Non. Ah non, c'est... Non, c'est pas soprano. Ah, ok. Vas-y. Aujourd'hui, je pense que je vais aller faire les courses de Noël. Ah, si, c'est ça. Je l'ai. Vas-y. Attends, vas-y, Tiffany, non ? Agustin Galiana ? Non. Frisco. Julio Iglesias. Non. Mais allez ! Ah non ! Frisco. Attends, l'INSEE, c'est peut-être... Je l'ai. Je vais aller faire les courses de Noël pour acheter à ma famille leur cadeau. Je l'ai. À Cabane Fondija. Oui. Francis Lalanne. Non. Mais Cabrel. Francis Cabrel. Oui, Francis Lalanne. Francis Lalanne. Ouais, m'insulte pas comme ça, toi. Oh. C'est toi, Francis Lalanne. Ouais, t'es ouf. Calme-toi, je mets pas des bottines jusque-là, moi. Bon, et l'INSEE, ça fait zéro, mais c'est pas grave. Ah ouais. On va y arriver. Ouais, désolé, hein, je gère pas Francis Cabrel. Ouais, pas de soucis. Deuxième imitation de Frisco cette fois-ci. Oh, ça va être facile, ça va être très vrai. Vite. Hein. Allez. Chacun est au lieu pèleur, jour comme au bail. Jour, nuit. L'INSEE. Oh merde, je sais plus comment il s'appelle. Monsieur, allez, le personnage. Chacun, Messire de Sarrazin. Messire. C'est Jacouille, mais oui. Ouah, tu nous aurais dit Tiffany, on l'aurait pris aussi. Ça c'est de la pâte à dents. J'entends pas. Attention. Vas-y Marco. T'es prête l'INSEE? Prêt. Oh facile. Enfin facile. Quoique. Attends. Facile oui. Alors ouais bah là le match de foot. T'as vu là t'es arrivé. Ligne droite. Débordement gauche. Moi j'ai pas Tiffany. Pu. Ouais. Eden Hazard? Non. parce que j'avais pas vu le ballon. Alors ouais, moi. Alors du coup. Ouais, mais elle l'a dit. Qu'est-ce que Ribéry. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, en plus, je connais aucun joueur. Tu fais pas de assez de fautes en français. Non, j'arrive pas, je te jure, j'arrive pas. Je voulais en faire plus. Franchement, tu parles trop bien pour faire Ribéry. Parce que. Verbe être, je sais pas comment on conjugue moi. Toi, la roue tourne va tourner. On est le stade il est aussi plein à domicile comme à l'extérieur, des trucs ainsi. il a dit des pépites hein, lui. Ah ouais. Bah, non mais franchement c'est super dur à limiter parce qu'il faut mal parler et du coup on a pas. Non mais c'est dur. Je n'arrive pas. Essaye de parler en faisant plein de fautes d'orthographe. Vas-y. De grammaire. Vas-y. Bah si j'aurais cru qu'on aurait pu qu'on avait pu réussir cette défaite, ben Elle le fait bien, elle le tient bien. Elle le tient bien, bah, je vais réfléchir quand même. Tiffany Berry. Bon, Aline, tu sais quoi ? On t'offre du cadeau ce matin, c'est gagné pour toi, ma chérie. On va pas toi. Super. Ouais, on va pas tergiverser. Bah tu vois, t'y arrives. Non, voilà. tiens, Tiffany. Allez, dépêche-toi! Imite vite! Il reste 10 secondes, dépêche-toi vite! Je t'en mets Mario, mais dépêche-toi! Oh, je suis fan d'être fan! Oh là là là! Bah, il faut deviner! Ah oui! Il faut faire deviner! L'INSEE, t'as deviné? Je suis fan! Parce qu'au bispo! Ouais. Hey, oh là là, c'était nul! Heureusement que t'as chanté les paroles! Allez, l'INSEE, je t'offre du cadeau parce que. Oh, sinon, on n'est pas aidé avec Tiffany! Je te laisse choisir, je te la repasse au téléphone pour choisir parmi les cadeaux 6-9. Bisous, l'INSEE! Bisous! Bisous! Just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You know that there are lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night, doing you right. You're the the type of woman deserve good fame. Fist full of diamonds, a head full of rain. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. A baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you, love you, love you, love you, yeah. Listen, your true beauty's description looks so good that it hurts. You're a dime plus 99 and it's a shame. Don't even know what you're worth. Everywhere you go, they stop and stare, 'cause you're better than shows. From your head to your toes, out of control. Baby, you know if I was your man, baby, you never worry about what I do. I be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman deserves good things. Fist full of diamonds, a handful of rings. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Oh, baby, good love and protection. Oh, make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me. You deserve better. You know you deserve better. We should be together. Infos et Dean Lewis qui arrive côté hit avant les infos de 7h. C'est l'alliance de mon mariage avec Marie. Et là, la bague de mes fiançailles avec Kimberly. Pour mon premier rendez-vous avec Julie, je pense pas que je vais les porter. Besoin de vous débarrasser de vos vieux bijoux ? Chez Cash Converters, nous rachetons tout et nous vous payons cash. Cash Converters, le premier choix de la seconde main. Cash Converters. Vendez vite, achetez mieux. Tous nos magasins sur cashconverters.be. Il est 7h01, bienvenue. Ramenez-moi la dinde de Noël. Énergie. Dans un petit instant, Dean Lewis qui va arriver côté de l'actu. Et là, voici la météo pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il fera plutôt doux. La journée débutera sous un ciel gris avec de la pluie. Ensuite, le temps deviendra sec. Les maxima aujourd'hui seront compris entre 4 et 9 degrés. Idem pour ce soir avec quelques brouillards en plus. Yannick Farkas pour nous informer sur l'actualité de ce lundi 17 décembre. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. L'équipe belge masculine de hockey a remporté la finale de la Coupe du Monde face aux Pays-Bas. Les Red Lions ont remporté la rencontre au terme d'une séance de tirs au but extrêmement stressante. Dans l'histoire belge, il s'agit du premier trophée mondial d'une équipe sportive belge. Plus d'un travailleur belge sur trois passe leur temps de midi à surfer sur Internet et à consulter les réseaux sociaux. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'université de Gand. Seulement 42% des Belges interrogés prennent le temps de bavarder avec des collègues sur la pause de midi. Le fait de ne pas socialiser durant les pauses de midi augmenterait le stress et l'anxiété au travail. En France, une cinquième personne est décédée après la fusillade de Strasbourg. La victime, un homme de 35 ans, était dans un coma profond depuis 5 jours. Des arrêts de travail ont eu lieu chez Amazon en Allemagne. Il est donc possible que certaines livraisons de colis soient retardées. Le syndicat met en garde que les grèves pourraient se prolonger jusqu'à Noël et à Wern jusqu'à mardi. Des actions similaires pourraient être entreprises dans d'autres sites en Allemagne. Le syndicat souhaite obtenir l'obligation de conclure une convention collective de travail. Et enfin, en football, le Standard de Liège s'est imposé facilement face à Zulte Waregem 4 buts à 1. Anderlecht, lui, s'est incliné au Cercle de Bruges 2 buts à 1. Le Sporting d'Anderlecht a d'ailleurs décidé de se séparer de son entraîneur Hein van Azebroek en cause les mauvais résultats répétitifs du club bruxellois. Des idées cadeaux pour chacun et tous les budgets, trouvez-les chez Krefel ou sur krefel.be/kdo. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Ah ah. C'est Orcade sur Énergie, bien le bonjour. Bonjour. Eh oui, ça y est, c'est la période de Noël. Les copains, on est en plein dedans. Dernière semaine avant les vacances, avant d'y être. C'est vrai que lundi, jour pour jour, lundi prochain, ce sera le 24, hein, les copains. Ah ouais, ouais. C'est dans une semaine, ouais. C'est dans une semaine tout pile, lundi dans prochain. Dans une semaine, en soirée, on va ouvrir les cadeaux. Bah, pour ceux qui ouvrent le 24, ouais, il y en a qui ouvrent le 25, ça dépend quelles sont les traditions. On va surtout se faire une orgie de nourriture. Oh, de nourriture, on va être sapé comme Jaja, on va être beau gosse. Ouais, je me ferais bien une petite mouche pour le 24 pour venir chez toi, Tiffany, tiens. Ah ouais, bah ouais, tu peux. C'est ça sent comme Jaja ou pas le 24? Ce sera sapé comme jamais, ouais. Ouh, je vais me faire bien. Tu fais rêver déjà, t'as envie d'y être, toi ça se sent. On va profiter de ces fêtes avec vous évidemment, avec des musiques de Noël, on va se faire plaisir, on parlera de Noël toute la semaine dans l'émission évidemment. Et puis bah, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, les fifous, on vous attend, le 6-9 Énergie Belgique sur Instagram, c'est tout simplement, ouais. Vous tapez les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver Instagram et Facebook. On va faire un petit big up à ceux qui viennent de nous retrouver, à Margot par exemple et Sandy. Voilà, on va faire un petit bisou à ceux qui arrivent, t'es dessus aussi Jérém? Ouais, il y a Pat, il y a Jus de Pomme, elle s'appelle Justine, donc Julie, pardon. Bisous à toi, jus de pomme. Nicel, il y a Titi Chalet qui vient de nous rejoindre aussi. Attends, j'actualise. Il y a Bernard. Bonjour Bernard. Salut mon nanar. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver tout simplement sur Instagram. On va dire tiens, les prénoms de ceux qui nous rejoignent maintenant. Et voilà. Alors, si on arrive à 10 000, parce qu'on s'est lancé un challenge. Un challenge. Il faut arriver à 10 000 avant vendredi. Ouais, et on vous réserve une super belle surprise. Moi, je dis, on n'y sera pas. Mais pourquoi pas? Si on y est vendredi, c'est vrai qu'on fera un truc de dingue pour les 10 000, pour fêter les 10 000 followers. T'es vraiment médisant, hein? Non, bien sûr qu'ils vont venir. Ouais, tu les sous-estimes. Il y a Sarah venez qui prouver d'arriver à Marco que c'est vrai qu'on va arriver à 10 000. Venez prouver que j'ai tort, allez-y. Les fifous du système sur énergie, Sarah. Bonjour, Sarah. Il y a J1806 qui vient de nous rejoindre. À Anne aussi, à Maeva. Bonjour, Maeva. À Jay Peters. Bisous, bidou Peters. Il y a Kevin Costa-Souza. Ah, il est beau gosse, hein, Kevin. Axel de Bruxelles aussi. À Nigel, bisous à toi, mon pote. Cut from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Bonne matinée, c'est Torwid sur Énergie. Dans un petit instant, LP qui va arriver côté hit. Et on va parler Noël, les amis. Mais oui, c'est dans une semaine, jour pour jour. J'ai envie qu'on se mette dans l'ambiance. Et j'ai envie qu'on parle ce matin des petits plaisirs de Noël. On va tous se faire un kiff le 24 ou le 25. Ouais. On va tous avoir un petit plaisir pour Noël. Ça va, j'ai même envie de dire, c'est votre petit plaisir pour Noël. Le truc, tu vois, qui tu sais que quand tu vas le faire, ou que tu vas le dire, ou que tu vas le recevoir, oh là là. Ça va être ton petit plaisir de Noël. Je sais pas, moi, par exemple, la raclette. Ah ouais. Ah ouais. Ça, ah ouais. Ah bah, ça c'est mon petit plaisir. C'est même mon gros plaisir. Oh, j'adore quoi. Rien que de penser au fromage qui coule, à la patate qui est dans ton assiette chaude et qui attend le fromage, la charcuterie. Mmh. Ah, j'ai trop faim. Ah, tu nous fais rêver. J'ai mangé. Ah, j'ai trop faim. Mangé une fondue tiens ce week-end. Oh allez. Mon fondue bah, fromage. Bah, allez. Toi. Mais ouais, mais laisse-le manger ce qu'il veut. Toi aussi. Pourquoi tu l'engueules? Parce que ça me donne envie. Tiens. Allez, en plus, non, elle était pas terrible. C'était une fondue au prosecco. Je me suis pas régalé. Vraiment, elle était pas. Pff, c'était surfait. C'est c'était marrant, ça. C'était pas de la bonne. Mais non, c'était un truc ma femme a acheté. La prochaine fois, j'irai faire des courses. LP, ça va arriver dans un petit instant. On parle du petit plaisir de Noël. Ça va être ton petit plaisir à Noël, mon Frisco. C'est quoi, toi? Ça, c'est le 25, tu vois, le lendemain de Noël. Généralement, je reçois. On se fait pas beaucoup de cadeaux dans la famille parce qu'on est une grande famille. Du coup, on reçoit tous un cougnou. Mais c'est génial. Enfin, moi, depuis que je suis petit, je reçois mon cougnou à Noël. Et, et je le mange le lendemain avec de la pâte à tartiner aux noisettes bien connue qui s'appelle Nutella. Et aussi du chocolat chaud bien connu qui s'appelle du Nesquik. Et je prends tout ça le matin du 25, tu vois, devant un bon petit film de Noël avec le chauffage à fond, tu vois. Et c'est génial. C'est ton petit kiff. Ah, c'est mon kiff de Noël, tu vois. Ça sera le petit plaisir de Frisco, son cougnou dans le Nesquik. Ah ouais, clairement. Mon cougnou dans le Nesquik, c'est très bizarre comment tu le dis comme ça. Mais oui, en gros, c'est ça. Le petit plaisir de Noël. Venez nous dire quel sera votre petit plaisir à Noël. 30-18 par SMS ou alors vous appelez hein, Tiffany au standard, qu'elle bosse un peu quand même. 0800-23456, c'est un numéro gratuit en plus, 100% gratuit. Donc appelez-nous. Quel sera votre petit plaisir à Noël? Bon, Yannick Farkas de la rédac. Ouais, bah alors moi, je vais casser l'ambiance parce que moi, il n'y a pas de Noël. Moi, c'est Hanouka en fait. Donc, ah oui. La vérité Ouais, bah, c'est voilà. Chouette aussi. C'est quand Hanouka? C'est déjà fini en fait. Donc, voilà. Zut. Donc, mon petit plaisir, c'est passé quoi. Mais c'est ton petit plaisir de Hanouka. Petit plaisir de Hanouka, ouais, c'est ça. Ça a changé. C'est pas ouf quoi, c'est juste le petit repas en famille, voilà, comme chaque année. Mais c'est chouette. Ouais, c'est la base en fait. C'est la base, voilà. C'est ça. C'est la base, non mais c'est vrai, des fêtes, c'est de passer un moment. Sans déconner, en famille, c'est le principe des fêtes en soi. Avec ceux qu'on aime. Le petit plaisir de Noël pour toi, mon Jérém, ça sera quoi? Ben moi, c'est les bûches de Noël. Les bûches de Noël? Mais pas celles que tu manges, celles que tu bois. Parce qu'il y a mes tontons à chaque fois, chaque année, c'est Jérém, tu t'occupes des bûches de Noël et donc je ramène des bières. Qui s'appelle la bûche. La bûche, ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, ok, et, pardon. Oui, et chaque année, j'essaie de ramener des bières un peu différentes, des bûches un peu différentes. Et après manger avec les tontons, on va dehors et on se boit une petite bûche comme ça. C'est sympa. Il ça. Fait moins 10, c'est génial. Ouais, alors... On chope la crème, on rigole, on fait des blagues, et puis voilà. Et ben venez nous parler. Notre petit kiff. Le petit plaisir de Noël. Et toi, toi Marco, c'est quoi ton petit plaisir? Moi, c'est un plaisir simple, les gars, c'est quand on fait le feu de cheminée, papy. Oh, ah ouais. Moi, c'est les bûches, mais c'est les bûches dans la cheminée. Quoi. C'est des vraies bûches, toi. Des vraies bûches, ouais. Oh. Et, ah, chouette. Genre, ça met une ambiance. Il y a les bûches aussi, mais dans la toilette aussi, le lendemain, quand t'as bien mangé. Ça, c'est les bûches du 26. Ouais, c'est ça. Eh ben, venez nous dire quel sera votre petit plaisir à Noël. 30-18 par SMS, on va lire vos messages. On nous dit que déjà, hein, quand ma soeur va découvrir son cadeau, cette année, j'ai pas compté. Oh, oh, purée. Oh là, moi, j'aimerais bien. Je veux bien t'avoir comme sœur ou frère, moi, ça, ah ça ouais, va. Moi, hein. Parce que, moi, ma sœur, elle a pas compté, mais c'est sur sa liste. Hein. Oh, ah, je pourrais vous la lire, elle est fantastique. Hein. Ah, un MacBook Pro, un iPhone 7, une voiture. Mais oui, mais évidemment. Bah oui, tu oui, tous les jours, on va t'offrir ça. Ah, bah oui, moi, je l'ai dit, prends un Mars, hein, et ça repart. Hein. Et c'est là que tu ressors la phrase, tu crois que ton père, c'est Rothschild? Ah, mais je lui ai dit, Père Noël, je veux bien, mais Père Noël, il est ric-rac, ça. Voilà. Voici LP, dites-nous, on en parle juste après avec vous. Is dark, the blinds are shut tight. And everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. Can't you see? Sur Énergie, Major Lazer, le nouveau hit dans un petit instant. On va avoir les pépites du net avec Jérém qui a été nous trouver ça sur Facebook, les réseaux sociaux en fait, les statuts quoi, qu'il peut y avoir des fois qui sont très les drôles. Les statuts, les phrases les plus drôles que j'ai repérées ces derniers temps. Et il y a de la pépite, je vous le dis, c'est les pépites du net avec Jérém dans un petit instant. On a le mot gagnant aussi côté hit. Et on continue de parler avec vous, les petits plaisirs. Votre petit plaisir à Noël, ça sera quoi? Dites-nous par SMS 30-18. On nous a dit les huîtres, par exemple. Le seul moment de l'année où j'en mange. Trop hâte, ouais. Des huîtres. Ah ouais, faut aimer. Hein. Non. Oh si, c'est de la grosse morve dégueulasse, oh, là. Mais tais-toi. Moi, je commence seulement à un peu apprécier, mais je suis comme Frisco. J'ai l'impression d'avoir un glaire. Oh là là, ça, mais c'est exactement ça. Mais voilà. Vous connaissez rien à la bonne chose. Mange un kebab, toi, pour Noël. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Téléchargez maintenant l'appli qui vous propose de la musique gratuite, sans abonnement, en illimité. C'est l'appli Énergie Belgique. Tous les hits, tous les styles, tout le temps. Énergie.

sur Énergie. Bonne matinée, bon lundi. Lundi 17 décembre, et oui, on le démarre ensemble ce lundi, on démarre cette semaine ensemble, même la petite dernière, avant les congés. Oh là là. Oh, elle va faire du bien. Comment? Elles vont faire du bien ces congés, mais un truc de dingue. Enfin, il ou elle, je sais même pas si c'est il ou elle. C'est pas grave. Enchanté, on se fait la bise. Cheat codes dans un petit instant avec Demi Lovato côté hit. Et là, nous allons parler des pépites du net. C'est Jérém qui nous a trouvé ça. Ces phrases pépites qu'on peut trouver, vous savez, c'est ces petites photos. Des fois où il y a des phrases comme ça qu'on partage, qu'on aime bien. Ouais, sur les réseaux sociaux, c'est super drôle. Il y en a des pépites. Et il y en a qui sont un petit peu actuelles, puisque j'aurai quelques phrases sur Noël. Ah. Mais on va commencer. Ça, c'est une phrase pour tous les mecs célibataires qui ont du mal à en conclure en ce moment. Situation sentimentale actuelle. La seule chose que j'emballe pour le moment, ce sont des cadeaux de Noël. Excellent. Voici une phrase pour tous les parents qui en ont marre que leur gosse soit trop excité avant d'aller dormir pendant la période de Noël. Vous savez, les enfants, c'est souvent excité. Ah, je veux ouvrir les cadeaux. Alors, pour endormir mes gamins, j'utilise l'intégrale des fables de La Fontaine. C'est vraiment un gros bouquin. Un seul coup suffit, généralement. Oh, c'est méchant. Bon, c'est dur. Et paf, ça dort. Quoi. C'est comme ça qu'on me faisait apprendre mes leçons. Ça va rentrer. Oui, maman, calme-toi, ça sert à rien de t'exciter comme ça. Bon, rentrez plus vite. Alors, voici une phrase pour toutes les personnes qui aiment boire un petit coup ou deux en préparant le repas de Noël. Le repas, ouais. J'étais parti pour cuisiner un saumon au vin blanc. Après 6 verres, je me suis mis à parler norvégien. Le poisson m'a répondu. Du coup, on a fini la bouteille à deux. Excellent. Ben, je pense qu'il y aura beaucoup de Norvégiens cette année. À Noël, ouais. D'office. Alors ça, dernière phrase. Une phrase pour tous les mecs qui sont en couple avec une fana de déco de Noël qui en fait un peu trop. Est-ce que dans l'équipe, toi, je sais, Marco, Aude, elle est fan de la déco de Noël. Ouais, elle aime bien. Elle en met partout. C'est vrai. Oh, ouais. Même jusqu'à dans le lit, quoi, carrément. Ça, c'est une phrase pour toi. Je ne dis pas que tu abuses avec la déco de Noël, mais si un Boeing 747 atterrit sur notre balcon, faudra pas venir pleurer. Ah, c'est drôle. Ah, heureusement, moi, ça pousse pas jusqu'aux guirlandes sur les façades. Hein. Ah ouais, non. Il y en a qui abusent. Ah ouais, il y en a, mais. Il y a des championnats du monde. Il y en a que j'ai envie de leur dire, les copains. C'est bien, c'est beau, c'est gentil pour nous qui passons dans la rue et qui voyons ça. Mais la facture d'électricité, c'est toi qui la payes à la fin du mois. Ouais, c'est pas déjà, déjà qu'on dit qu'on n'aura peut-être pas assez d'électricité pour le mois de janvier. Et là, les gens... Mais c'est chouette, c'est Noël. Non, c'est beau. Mais après, je trouve ça dommage parce que les gens, du coup, n'en profitent pas vu que c'est sur leur façade, tu vois. Tu vas pas mettre ton salon dans ton jardin. Les autres, comme tu dis, en voiture. Oui, c'est ça, tu fais profiter les autres. Et puis comme ça, s'ils rentrent un peu méchés, ah oui, c'est là que j'habite. T'habites où? Bah, tu vois la maison pleine de lumière? C'est là-bas. C'est là, tu vois la guirlande. Ah, c'est Josiane, hein, c'est pas les garantes. Mais bon, je vais pas l'engueuler parce qu'on va sache où j'habite. C'est un peu ça. Bah, profitez en tout cas de cette période, vraiment, ça ne dure qu'un temps. Voici une cheat code. Be careful, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises. Oh, na-na. Just be careful, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises. Baby, we can't see the bottom. I just wanna dive in with you. I just wanna lie here with you. Oh, oh, na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises. Promise me. Oh, na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises. Merci d'être là ce matin sur Énergie. Calvin Harris et Sam Smith. On écoute ça dans un petit instant. Il y a les infos à 7h30, l'info Énergie évidemment aussi. Le mot gagnant, on va jouer à ça dans quelques secondes. Et puis on parle des petits plaisirs de Noël. Quel sera votre petit plaisir à Noël? On nous dit mettre mon plus beau costard pour manger en famille, j'adore. Ah oui, c'est, oui. C'est le moment où on se sape. Sapé comme Jaja. Jaja. 30-18 par SMS, dites-nous votre petit plaisir à Noël. On en parle juste après. Vous n'auriez jamais trouvé à la Fnac les cadeaux qui font vraiment plaisir. Merci, c'est gentil, mais je peux pas plutôt avoir celui avec l'emballage Fnac, là? Fnac, libérez votre curiosité. 7h31 sur Énergie, l'info Énergie à suivre, l'actu et là la météo. Aujourd'hui, il fera plutôt doux. La journée débutera sous un ciel gris avec de la pluie. Ensuite, le temps deviendra sec. Les maxima seront compris entre 4 et 9 degrés. Idem pour ce soir avec quelques brouillards. L'actualité de ce lundi 17 décembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. On est champion du monde et oui, l'équipe belge masculine de hockey a remporté la finale de la Coupe du Monde. C'était face aux Pays-Bas. Les Belges ont remporté la rencontre au terme d'une séance de tirs au but extrêmement stressante. Une victoire historique puisqu'il s'agit du premier trophée mondial d'une équipe belge. Les manifestations hier à Bruxelles ont été marquées par des incidents et notamment par des affrontements entre policiers et manifestants. Le parquet de Bruxelles a confirmé l'arrestation judiciaire de 6 personnes. Ces personnes ont été privées de liberté libertés dans le cadre des manifestations contre le pacte migratoire. Trois de ces personnes sont suspectées d'avoir occasionné des dégradations au Berlaymont. Deux personnes sont suspectées de faits de rébellion armée. Et enfin, la dernière personne a été privée de liberté parce qu'elle est suspectée de faits liés à des stupéfiants. Des arrêts de travail ont eu lieu chez Amazon en Allemagne. Il est donc possible que certaines livraisons de colis soient retardées. Le syndicat met en garde que les grèves pourraient se prolonger jusqu'à Noël. Les travailleurs souhaitent obtenir l'obligation de conclure une convention collective de travail. Les médecins se plaignent d'un manque de place de parking. Un médecin sur huit a reçu une amende pour stationnement et ce, plusieurs fois par mois. L'usage de la voiture reste dominant chez les médecins et selon eux, il faudrait prévoir des places de parking exclusivement destinées aux généralistes et elles devraient être bien réparties dans toute la ville. De plus, les médecins demandent aux autorités locales de fournir aux généralistes des autocollants à apposer sur leur voiture pour les exempter d'acheter un ticket de parking. Et enfin, en football, le club de Bruges et Genk connaîtront aujourd'hui leur adversaire en 16e de finale de l'Europa League. Le tirage au sort sera effectué à Nyon en Suisse à partir de 13h. Et juste avant, à midi, c'est le tirage des 8e de finale de la Ligue des Champions. L'info énergie. L'info énergie aujourd'hui, on parle de quoi ce matin Yannick ? Eh bien on l'a évoqué dans les infos, on va parler des Red Lions qui sont champions du monde de hockey. Donc après leur victoire face aux Pays-Bas, les hockeyeurs vont se partager 100 000 euros de primes pour l'ensemble de l'équipe. Alors 100 000 euros, est-ce que vous savez combien les Diables Rouges auraient eu de primes en cas de titre mondial ? 1 million ? Non, 300 000 je crois, c'était ou 600 000. Ouais, t'es proche, ouais. C'est une prime de 445 000 euros. Mais là, c'est pour chaque Diable Rouge, alors que les hockeyeurs vont se partager 100 000 euros pour toute l'équipe. Sérieux? Ils vont se partager 100 000 euros? Ouais, alors qu'un Diable Rouge, s'il avait été champion du monde, aurait eu 445 000 euros. On s'en fout, il n'est pas champion. Donc, Non, mais c'est juste au niveau des recettes, etc. Le football amasse tellement d'argent c'est incomparable. C'est redistribué par rapport à. C'est les droits télé. Les droits télé rapportent énormément d'argent dans le football et c'est vrai que, le hockey, c'est dommage moins... parce que le hockey pour moi prend de plus en plus de mais c'est chouette valeur, franchement et là je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont aller inscrire leur fils ou leur fille au hockey dans les mois à venir. C'est chouette, ça cartonne, quoi. C'est trop une bonne chose et bravo et par pitié ne faites pas la comparaison avec les Diables Rouges. Mais oui, c'est ce que je viens de faire donc. Oui, ne le fais plus jamais Yannick. Ne fais plus jamais ça. Non mais c'est vrai, c'est chiant, les mecs ils ont gagné dans une discipline. Les seigneurs, arrêtez de faire la comparaison. Mais si vous avez été Diable Rouge, est-ce que vous l'aurez? C'est pas la même chose, parce que lui, il a parlé de pognon, etc. Ouais. Mais... Ah, il a parlé de pognon, ouais. Mais... vérité. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Tiens, ce week-end, j'ai mangé avec des amis qui sont fans du 6-9 sur Énergie. Bah, c'est plus mes amis maintenant. Ah bah c'est bien dommage, tu les choisis pas bien, dis donc tes amis. Ouais. Il est 7h35 sur Énergie, bonjour. Bonjour. C'est lundi, une nouvelle semaine qui démarre, un nouveau lundi, on le démarre tous ensemble avec vous. Venez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est les fifous du 6-9. Et puis dans un petit instant, on va parler de vos petits plaisirs de Noël. Faire des jeux de société en famille, on nous a dit. Oh, trop bien. Ouais, pourquoi pas. 30-18 par SMS, dites-nous votre petit plaisir à Noël. I hide now to skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love. So tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now. Alone. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. 7h37 sur Énergie. Louane, Julien Doré côté hit dans un tout petit instant. Et nous allons jouer au mot gagnant ce matin. Qui vient jouer avec nous? Oh, mes gros yeux! Oh, vite, vite, vite, panique à bord! Alors, qui vient jouer avec nous? Eh bien, c'est Stéphanie, qui travaille comme organisatrice de maison du côté de Liège. Elle a deux enfants qui s'appellent Mathéo et Margot. Et puis, quand elle a un peu de temps, elle aime pianoter, tu vois, faire de la musique. La série qu'elle regarde en ce moment, c'est Les Frères Scott, qui lui rappelle sa jeunesse. Elle aime bien pianoter, tu vois, faire de la musique. Elle fait du piano, quoi. Oui, voilà. Ouais, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Bonjour à toi, Stéphanie. Bonjour. Pianiste, Stéphanie. Tu fais du piano depuis combien de temps? Depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Ah oui. Ah ouais. Oui. Ah, tu dois donc ça pianote bien. Ah oui. Bach n'a qu'à bien se tenir. C'est ça. Oui. J'adore le piano. Je trouve que c'est très beau comme instrument. Quand tu joues bien un peu, hein. Ouah, vite fait, vite fait. Arrête de faire le modeste. Non, tu joues je te jure, je fais le modeste parce que non, je joue pas comme j'aurais aimé. Ok, d'accord, tu joues pas comme Bach, on est d'accord. Mais tu joues bien. Pas comme Stéphanie, quoi. Non, voilà. À mon avis, non, loin de là. Non, je joue pas comme Stéphanie. Mais je fais le minimum pour pécho. C'est la danse des canards. Stéphanie, nous allons jouer au mot gagnant ce matin. Tu vas avoir 20 secondes pour nous donner tout un tas de mots qui démarrent par une lettre. Quelqu'un de l'équipe fera la même chose. Un mot en commun, paf, c'est le mot gagnant. Et ça fera du cadeau pour toi, Stéphanie. Ok, super. Tu as envie de jouer avec qui ce matin? Il y a Tiffany, il y a Aurélie. Non, elle n'est pas là, Aurélie. Il y a Yannick Farkas, pourquoi pas Darada, il y a Frisco, il y a Jérém. Je peux pas jouer avec toi? Ah bah si tu veux, oui, ce serait bien une première. Ah oui. Oh bah d'accord, voilà. Bah ouais, avec plaisir. Je vais quitter le studio, mon Frisco vient prendre la main ici. Alors j'arrive. J'aime beaucoup parce qu'il y a un message qui vient d'arriver au 38. Ne comparez pas les Red Lions avec les Diables Rouges. Les hockeyeurs sont largement au-dessus. La seule chose qui manque, c'est de la médiatisation. C'est tout à fait ce qu'on a dit. Hein. Ouais. Pas nous engueuler, hein. C'est ce qu'on disait justement. Allez, je quitte, c'est... Je vois. Allez, okay. Va-t'en. Ok. Va-t'en, voilà. Marco. Allez. Oh, c'est bizarre de partir alors que... Allez, va-t'en maintenant. Voilà. Bon, je suis là. Ok. T'es prêt? Tu notes, Jérém? Ouais, moi je note. Ok, on Steph, y va. Steph, tu es prête? Oui, ça va. Tu as 20 secondes pour donner un maximum de mots qui commencent par la lettre T. T. T. Bah, ok, d'accord. D'accord. Ouais, c'est Tiffany qui décide, c'est l'émission de Tiffany aujourd'hui. Ah ben non, allez, non, je me suis dit. Ok, c'est, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 20 secondes. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Porte, poubelle. Non, attends. On va recommencer. La lettre T comme t'es là ou t'es pas là? Ah, D. Non, T. T comme Tiffany. T comme Tiffany, d'accord? Oui, d'accord. Ok, on recommence. 3, 2, 1, c'est parti. Tennis, table. Taupe, trottinette, tartine, tortue, tagliatelle, tomate, tricher, tomber, tourner, tomber. Ouais, c'est pas bon, mal, c'est bon ça. Attends, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, parce que t'as dit tomber deux fois. Ouais. Ok, c'est cool. On rappelle Marco? Ouais, Marco. Oui. Marco! Je crois que ça devrait le faire, hein, Stéphanie. J'espère. J'espère aussi. Je suis tendu. Allez. T'es stressé? Je suis stressé, j'ai pas envie de perdre. Ouais. Mais vraiment, je te jure, tu sais, tu joues jamais, alors quand tu joues, t'as envie de gagner, forcément. Ouais, évidemment. Attention, t'es prêt, Marco? C'est quoi? Tu as 20 secondes. Il y a combien de mots? Il y en a beaucoup? 11. 11 mots. Oh, attention, t'es prêt? Avec la lettre... La lettre P. P. Vas-y. Papier. Poubelle. Papier poubelle. Non, c'était pas cette lettre-là. C'est pas la lettre. Oh, les gars, ça y est, super. Ça fait mal, hein, ça fait mal quand on se met. Attends, allez, maintenant. Non, rigole pas. Les mecs, ils recyclent les vannes, quoi. Attention, allez. La lettre T, 20 T, secondes. T, là. T, Tintin, Titi, Tutute, Tétine. Allez, il y en a plein. Un tablier, une table. Je sais pas où c'est le truc, genre c'est génial et tout ça. Allez, il est là. Ouais. Bravo ouais. Steph. Ouais, c'est ça. Ah, je suis content. Bravo Steph, mais bravo, bravo. Merci, merci à toi, bravo aussi. Elle en avait donné plein. Elle avait donné tennis, table, taupe, trottinette, tartine, tortue. Toi, tu faisais que des sons titi, tutu, tata. Ça y est. Un bébé en route, c'est pour ça, à mon avis. Ouais. Mais, moi, je suis un diesel, les gars. Il faut le temps que ça chauffe. Et c'est cool parce qu'au moins, pour une fois que tu joues, c'est pas la loose. C'est... Bah, t'as vu ça hein. Ça change de tu toi. Tu rattrapes. Eh bien, un cadeau pour toi, Stéphanie, ce matin. Je te laisse choisir le cadeau. 4 places de ciné, l'enceinte Bluetooth ou alors notre dernière compil énergie. L'enceinte Bluetooth. L'enceinte Bluetooth. Eh ben, on t'envoie ça à la maison. On te souhaite une très belle journée, Stéphanie. Et ça a été un plaisir de jouer avec toi ce matin. Merci à vous aussi. Je peux dire un petit mot ? Bien sûr, fais-toi plaisir. On t'écoute. Bah, déjà, je voulais dire bonjour à tout le monde qui me reconnaît. Ouais. Et puis, on a un petit cri de guerre avec mes enfants. Vous êtes prêts ? Vas-y. C'est mignon. C'est le cri de guerre est passé. Merci beaucoup Stéphanie. On embrasse toute la tribu. On te fait des gros bisous et tu reviens quand merci, tu veux Stéphanie. Bon à bientôt. Bisous, bisous. Bisous. Bisous à la famille et déjà de bonnes fêtes de Noël parce qu'on va y être. Dans une semaine, ça y est les copains. Et on fait la dernière ligne droite avec vous sur Énergie. Voici Julien Doré et Louane. Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux. Sur toi, je me fous de ce que tu penses. Moi, je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. La pire en temps désert. Crois-moi, j'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. Il est midi sur novembre. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. We'll be fine, I guess. We'll be novembre, et le soleil peut te prendre, que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble, ton cœur a décidé pour moi. Qui va arriver dans un tout petit instant pour vous et on revient juste après avec les petits plaisirs de Noël. On parle de ça avec vous ce matin. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Énergie. Give me the hit music. Hit music. Only.

qui va arriver dans un petit instant avec Formidable. Avant ça, on va lire les pépites des petits messages qui sont arrivés. Ça sera votre petit plaisir pour Noël. Vous en parlez avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit au 30-18? Mettre le petit Jésus dans la crèche. C'est Nicolas qui nous envoie ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ça. Oh, je pense que tout est dit. C'est assez explicite. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on nous a dit d'autre? Annoncer à ma famille que je suis enceinte. Oh, trop bien. Mumu qui nous envoie ça au 30-18. Bisous à toi, Muriel. Ah, bah, je suis pas Muriel. C'est énorme ça. Annoncer à la famille. Oh, enfin, c'est génial. Est-ce que Noël est vraiment le bon moment pour ça? Elle aussi a eu le petit Jésus dans la crèche. Mais non, mais si, c'est génial quand même. Comme ouais. C'est ouf. Ouais, j'espère juste qu'il va pas naître le 24 décembre. Mais non, si, parce que si elle annonce qu'elle est enceinte, c'est généralement c'est pas un an, quoi. Oui, peut-être que ça fait 9 mois et qu'elle a prévu sa famille depuis longtemps. C'est imminent. Je reste accouchée ce soir. Ah, c'est imminent. On nous dit la bûche de Noël de ma tante, c'est une pépite. Pas ma tante, la bûche. Excellent. Eh ben ça, c'est la classe, hein. T'as la chance que c'est ta tante qui fait la bûche. Ouais. Ça c'est cool, hein. Jérém, qu'est-ce qu'on a eu? Alors on a eu Jenny sur Facebook qui dit: moi, mon petit plaisir pour Noël, ce sont les escargots. Les escargots, ah ouais, pas mal. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais. C'est sympa, ouais. Enfin, aimer, non, enfin, je dis c'est bon parce que mon père n'arrête pas de bouffer, mais moi je déteste ça. T'aimes pas les escargots? Ah non. Oh, c'est super bon. Pour moi, c'est pareil que les huîtres, hein. C'est un truc bizarre. Il y a un message de Kevin aussi qui nous dit: fourrer la dinde, dédicace à ma femme. Oh non. C'est abusé, Kevin. Ça c'est. Non, c'est. Non. Ça, Kevin. Kevin, c'est limite 5 euros de fifou, je te le dis. Ah oui, non, quand même. 30-18 par SMS, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme message sur les réseaux sociaux aussi L'ouverture des cadeaux à minuit. Ah, ça c'est un grand classique, on le reçoit souvent. Le grand classique, le petit plaisir de Noël. On va kiffer les copains, c'est dans moins d'une semaine, jour pour jour quasi. Enfin, c'est dans une semaine, jour pour jour. Vous avez déjà fait vos achats, Raoult ? Non. Oh. Non, je suis en retard. On est mal. Ah oui, là, c'est même, là, je peux te le dire. On est mal. N'oubliez pas, vendredi, c'est la cacahuète, les gars, entre nous. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Yannick, t'as du cadeau à. Ouais. Ouais. Formidable, oui. Hein. C'est ça, oui. Formidable. Ouais, c'est Stromae sur Énergie. J'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.

L'actualité de ce 17 décembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Plus de 5000 personnes se sont retrouvées au rond-point Schuman à Bruxelles hier pour manifester contre le pacte de l'ONU pour les migrations. 90 personnes ont été arrêtées pour dégradation. 6 personnes ont fait l'objet d'une arrestation judiciaire. Le Berlaymont a subi des dégradations également. Une équipe de la télévision flamande VTM a également été agressée. Une journaliste et son équipe ont été visées par des fumigènes, des pétards et toutes sortes d'insultes. Près de 200 pays se sont mis d'accord samedi en Pologne sur une série de règles sur le climat. Il s'agit en fait de mettre en œuvre l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Et les représentants des pays à la COP24 travaillaient depuis 2 semaines pour produire un règlement pour endiguer le réchauffement climatique. Il y a quelques semaines, les scientifiques du GIEC tiraient la sonnette d'alarme pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Plus d'un travailleur belge sur 3 passe leur temps de midi à surfer sur Internet et à consulter les réseaux sociaux. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par l'université de Gand. Seulement 42% des Belges interrogés prennent le temps de bavarder avec des collègues pendant la pause de midi. Le fait de ne pas socialiser durant les pauses midi augmenterait le stress et l'anxiété au travail. Enfin, en football, le club de Bruges et Genk connaîtront aujourd'hui leur adversaire en 16e de finale de l'Europa League. Le tirage au sort sera effectué à Nyon, en Suisse, à partir de 13h. Et juste avant, à midi, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions sera effectué. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Sur Énergie, c'est lundi, on est là comme tous les jours. C'est Noël. Oh, the weather outside is frightful. Alors, on va en manger de la musique de Noël, croyez-moi, dans n'importe quel magasin où tu vas, il y a de la musique de Noël. Ah, même chez le coiffeur, chez le médecin, c'est une musique de Noël. Et on kiffe. Oh yeah. Et on est là avec toute l'équipe comme chaque matin. Tiffany, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va super, j'ai la pêche. Ah, oh, c'est formidable. Ouais. Il y a Frisco aussi. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Bonjour. Let it snow, let it snow, let it snow. Bonjour Jérém. Trésor. Bonjour Marco. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Yannick. Salut Marco. Yannick Farkas qui remplace Aurélie cette semaine. Bah ouais. Parce que pour tout vous dire, elle avait un solde congé à vider avant la fin de l'année. Donc voilà. Donc voilà ouais. Comme beaucoup de personnes. Comme beaucoup de gens, c'est vrai. Du coup, elle a soldé les congés cette semaine. Elle a bien raison. Profite bien, ma Aurélie. Mais du coup, on la reverra pas avant la rentrée. La rentrée. On fait des gros bisous, Aurélie. Gros bisous. C'est Yannick. Qui sera avec nous toute la semaine et qui finira en beauté avec l'émission publique vendredi. C'est pas ce qui t'attend, toi. Ben non, j'ai un peu peur du coup là. C'est vrai, t'as jamais fait d'émission publique. Ben non. Oh, tu la pression. Tu vas kiffer. Oh, tu vas non, kiffer. Ça va être chouette, ça va être très très chouette. En plus, on va être beaucoup. Hein. C'est une émission publique où on annonce une bonne centaine de personnes. Donc je vous le dis, ça va réveiller vendredi. Ah ouais. Ça va être très sympa. En plus, il y aura Alison de Roof qui sera notre invité. Alison de Roof qui fera un live de T'as quitté la planète. Et elle sera avec nous pendant une heure vendredi pour l'émission publique. Ça va être très sympa. Soyez là à l'écoute. Et puis toute la semaine, on est avec vous, bien évidemment. DJ Steak, qu'on écoute tout de suite. Et puis dans un tout petit temps. Nous allons faire le duel énergie. Et c'est un duel ce matin. Un duel spécial. Un duel spécial duo. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anunnaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it, it. I squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Sur énergie, Léa Passy qui va arriver dans un petit instant, notre cousine. Et il y a cousine. Il y a Vanille, Vanille qui m'a demandé par SMS un petit All I Want for Christmas. Et voilà Vanille, tu demandes, on met hein. Histoire de bien faire débuter ta journée. Bonne journée avec nous en tout cas sur Énergie. 8h08, voici le rendez-vous quotidien avec ce blind test musical qui vous fait gagner beaucoup d'argent. C'est le duel Énergie. Le duel Énergie. Jusqu'à 500 euros par jour, c'est la dernière semaine dans cette version que vous allez connaître le duel, puisqu'à partir de la rentrée, on vous a préparé un duel version 2.0. Po, tu vas être content, mon amigo. Tu m'en diras des nouvelles. Ça va être un chiffre à 4 chiffres. Et bien donc ce vendredi, ça s'arrête quoi. C'est fini, vendredi, si jamais c'est... Julia est encore avec toi, elle repartira avec sa cagnotte de vendredi. Saison 1 voilà. Terminée quoi. Saison 1, oui, alors que la saison n'est pas encore terminée. C'est Casa des Papel hein. On est des dingues monsieur, on est des dingues. Julia, bonjour. Hello tout le monde. Salut. Julia qui est à 1500 euros dans sa cagnotte, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Pas mal du tout même. Julia qui vient s'affronter ce matin face à Christelle. Oui, Christelle qui travaille comme employée dans une banque à Wépion. Elle a une fille de 6 ans qui s'appelle Chloé. Et puis elle est aussi passionnée de voyage et sa destination de rêve. Ce serait tout ce qui est dans les pays scandinaves, quoi. Islande, Laponie, Père Noël dédicace. En ce moment... En ce moment, elle regarde La Trêve et c'est la nouvelle série de la RTBF, enfin nouvelle depuis déjà 2 ans. Alors, Julia, fais gaffe, hein, parce que toi qui as l'habitude de braquer la banque, là, tu vas faire face à la tenancière, au shérif de la ville et qui va te dégommer. Wouhou! La tenancière de la ville. Voilà. Le shérif de la ville. Enchanté, Christelle. Bonjour, shérif. Bonjour, Christelle. Bonjour. Salut, l'équipe. Salut. Elle est complètement tarée, cette fille. Alors, ce matin, les filles, je vous cache pas, nous allons jouer avec un duel un petit peu compliqué. C'est un duel spécial duo ce matin. J'explique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un duo. Que ça, c'est sûr. On va vous faire écouter un petit extrait de 5 secondes, comme d'habitude. Vous allez entendre un des deux qui chante. Du duo. Un des deux. Et ben, il nous faut l'autre. Tout simplement. Voilà. Voilà, vous l'aurez compris. C'est pas très très compliqué dans les explications, mais voilà. C'est ça. C'est assez simple. Mais donc, c'est pas celui qu'on entend chanter qu'il nous faut. C'est l'autre qui fait le duo avec la personne. Vous avez ça, compris? C'est chouette. Ok, super, on va voir. J'aime bien le A super, oui. Ah, ça va être un petit peu compliqué, mais ça devrait aller vraiment. Non, ça devrait le faire. Il y a du facile. Je vous le cache pas, il y a du facile. Comme d'hab, on rappelle la règle. Votre buzzer, c'est votre. Prénom. Et on écoute Léa Passy juste après. Voici le premier extrait, les filles, bonne chance. Julia. C'est Maroon 5. Ouais, mais avec qui? C'est Cardi B qui est dedans, non? C'est elle, Nicki Minaj, mais je crois que c'est Cardi B. Eh ben dis donc, Julia. Bravo. Si on ne t'avait pas inventé, il aurait fallu te créer. Julia, bravo, bonne réponse. Eh ouais, Cardi B. Très fort, Julia, bravo. Bonne réponse. Un point, 100 euros peut-être pour toi dans ta cagnotte. Allez, fort, toi, faut reconnaître la Christelle. C'est vrai, elle est balèze, Julia, quand même. Oui, oui, oui. Honnêtement, celui-là, je pensais que personne n'allait le trouver. Comme quoi. Tadam. Julia est là. Julia, Christelle, bonne chance. Voici le deuxième extrait. C'est un spécial duo. On cherche donc l'autre personne du duo qu'il nous faut dans cet extrait. C'est parti. Ça fait déjà plus d'une semaine et je n'ai plus trop d'idées nouvelles. Ouais, on t'écoute. C'est Kenji Girac, l'autre. Oh là là. Mais Julia, t'as mangé quoi ce matin encore? C'est pas possible, hein. Mais oui, bonne réponse. Ah ouais, Soprano avec Kenji. Ah oh, moi je l'avais pas. Très forte. Très très forte, Julia. Je joue pas avec le danger. Bon, ben ça fait déjà deux extraits, ça fait 200 euros pour toi, Julia, si tu restes maître du duel. C'est pas mal, c'est pas mal. La semaine commence bien. Ah ouais. C'est encore ouais. jouable pour Christelle. Hein. C'est encore jouable pour Christelle, mais là, Cri-Cri, c'est maintenant oui, que ça c'est joue. C'est un peu compliqué. C'est maintenant ou jamais, ma Christelle. Ok. Ok, oui. Et celui-là, tu devrais l'avoir, Christelle. On cherche donc oui. le duo. On en a un, mais il nous faut l'autre. C'est parti. Je donne des vacances à mon cœur. Oh. Ça devient énervant, Julien, je te le dis. Julien, t'écoute. C'est Céline Dion. Qui chantait en duo avec Garou. Et c'était bien sûr. Le titre Devant. Voilà la totale. Tu vois, tu peux tout lui demander. Julia, c'est le Wiki. Sorti en quelle année Ça, je sais pas. Quelle maison de disque C'est le Wikipédia du duel énergie, Julia. Incroyable. Bonne réponse. Et ouais. Garou, Céline Dion. J'adore. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Bon, ben bah, Julia, c'est pas mal. 300 euros dans la cagnotte qui vont venir s'ajouter. Je suis tellement contente pour Julia, là. Tu le tiens bien. Julia, c'est pas mal. Et tu restes maître du duel aujourd'hui, quoi qu'il arrive, puisqu'il reste plus que deux extraits. Si on est bon en maths, ça va pas le faire pour Christelle. Voilà. Mais on peut sauver l'honneur, Christelle. Allez, on va essayer. Bonne chance. T'es pas obligé, Christelle. Merci. C'est parti d'un avant-dernier extrait. Ils veulent tirer sur nos rêves. Julia. Julia, elle est très forte, c'est j'en peux plus. Alors, qui chante avec Claudio Capeo? C'est Vita. Eh bien, c'est une bonne réponse. Allez, 400 euros, merci, bon week-end. Merci d'être passé ce matin. On essaye de faire compliqué histoire de ne pas se faire braquer. On se fait quand même plumer, donc qu'est-ce que je te dise. Bonne réponse, Julia. C'était bien Claudio Capeo et Vita avec un peu de rêve. Claudio Capeo qui est le parrain d'ailleurs de l'émission. Ouais. J'adore ce titre. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de temps. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. 400 euros pour la cagnotte à Juju. Julia qui va peut-être partir avec toute cette somme, c'est même certain. On va atteindre les 2000 euros peut-être ce matin avec toi, Julia. Ça serait énorme. T'es à 1005. Magnifique. T'es à 1005 si tu nous fais un perfect de 5 extraits gagnants. 500 euros pour toi ce matin et ça sera une cagnotte à 2000 euros. Julia, tu nous fais un perfect. Hein. Oui, uniquement si tu nous fais un perfect. Et je ne parle pas de ce perfect-là. Julia, Christelle, bonne chance. Voici le dernier extrait. Et Julia, tu peux casser la baraque ce matin. Bonne chance à toi. Je me disais bien, je t'ai mis trop de pression. Eh bien, personne ne l'avait celui-là. C'était Selena Gomez avec qui, mon frisco? Charlie Pouf. Avec Charlie Pouf, eh ouais. Celui-là. We don't talk anymore. J'adore ce titre. Mais il est canon. Eh ben, Julia nous a pas fait le perfect ce matin, mais elle a quand même pris 400 euros dans sa Bravo. Cagnotte. Elle reste maître du duel avec 1900 euros. Bravo. Désolée à la madame de la compta. Ah oui, bah, elle s'appelle Anne. Tu peux présenter tes excuses auprès de Anne. Je suis vraiment désolée, Anne. Désolée. Ah, je vous assure, je sais qu'il y a le patron qui est dans sa voiture, qui est en route en ce moment, Nico. Désolée, Nico. Ah, je peux te dire qu'il n'est pas bien non plus dans sa voiture en ce moment. Julia, bravo. Il va faire des restructurations, il va reprendre le CDI de Tiffany. Ce se donner et reprendre ses volets. Bravo en tout cas, Julia. 1900 euros pour toi dans ta cagnotte. Merci Quelle beaucoup. Belle somme. Waouh, déjà une petite idée de ce que tu vas faire avec? Bah, restons avec les fifous. Bien sûr. Déjà mettre des sous dans la maison qu'on vient d'acheter qui est encore en chantier absolu, ce serait déjà pas mal. Ouais. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et déjà le projet. Bah, c'est déjà bien. 1900, c'est une belle somme. Et c'est pas fini, Julia. Tu as jusqu'à vendredi. Pour peut-être dépasser, je rappelle, hein, le super maître, c'est 3100. Ouais. Et c'est Benjamin. Ouais, 3100 euros, bon, il y a encore un peu de chemin. C'est faisable. Hein. C'est faisable. Il suffit de faire deux perfects à la suite et on est pas mal, Julia. Ouais, mais notre patron, il veut pas trop, donc. Ouais, c'est ça. Bonne journée à toi, Christelle. Bonne journée, Julia. À bientôt, les filles. À vous aussi. Gros bisous. Bisous. Bisous. Bisous. Le duel énergie.

Ensemble, stoppons sa progression. Faites un don à Médecins Sans Frontières sur msf.be. Vous n'allez pas à contre-courant ? Vous êtes le courant. Vous avancez toujours dans la bonne direction, votre direction. Et vous n'êtes pas anticonformiste. Non, vous tracez votre propre route. Ne vous contentez pas de l'ordinaire, vous êtes extraordinaire. Soyez épique. Voici votre nouvelle Audi A1 Sportback, avec ses écrans tactiles intelligents et l'Audi Virtual Cockpit. Déjà disponible aux conditions salon chez votre distributeur Audi. Epic Mode On. Dans un petit instant, les infos de café qui vont arriver, évidemment, pour vous. On a les Pussycat Dolls côté I. Terrain point sur les routes, Yannick. Un trafic perturbé, toujours sur le ring intérieur entre Jette et Vilvoorde. Vous perdez une vingtaine de minutes. C'est toujours compliqué de Namur à Bruxelles. Vous perdez 35 minutes. Toujours cet accident. La voie de droite bloquée sur le ring intérieur à hauteur du carrefour Léonard. Et enfin, trafic perturbé entre Tournai et la frontière française. Vous perdez une trentaine de minutes. Fifth Avenue, and right now, radio's all that we can hear. Man, we ain't talked since we left, it's so overdue. It's cold outside, but between us, it's worse than here. Sur Énergie, le nouveau Drake. On va écouter ça dans un petit instant pour vous. Il y a les infos café qui vont débarquer à 8h35. On va jouer au Game Song aussi, restez là. Avant ça, j'aimerais vous parler des petites infos sympas. C'est, on a déjà fait, hein, chaque seconde dans le monde, chaque minute dans le monde. Ouais. Et ben là, j'ai un chaque jour dans le monde. Ah, chaque jour. Chaque jour dans le monde. Vous savez, des chiffres, hein, je vous donne des petits trucs chiffrés comme ça. Ouais. Par exemple, à votre avis, combien de mails sont envoyés chaque jour dans le monde? En milliards. En milliards, ouais. Non. Ouais. 247 milliards. Bah ouais, sans blague. Par jour, mec. 247 milliards de mails. C'est énorme. Ouais, ouais. C'est énormissime. Vraiment. Ça m'étonne pas, en fait. C'est vrai, bah. C'est énorme, hein, mais je me dis que j'essaie de me mettre à la place des emails. Ouais. Je me mets à la place des emails. Cette phrase est magique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors ça, c'est hallucinant. À votre avis, combien de bébés naissent? Combien d'enfants naissent par jour dans le monde? C'est aussi en centaines de milliers, ouais. Ouais. C'est vrai? 200 000 ouais. bébés. Un petit peu plus. 356 000 enfants nés chaque jour dans le monde. Voilà. C'est beaucoup quand même. Hein. Ouais. Je suis pas mal, hein, au niveau des catégories de numériques. Ça, c'est hallucinant. 88 000 éclairs frappent la Terre chaque jour dans le monde. Je pensais que tu parlais d'éclairs au chocolat. Je parle pas que de bouffe non plus, ça va. Ouais, mais ça m'intéressait. Alors, je suis assez surpris. Vraiment. C'est un chiffre qui me fait même très peur. 150 espèces disparaissent chaque jour dans le monde, faune et flore confondues. C'est dingue, hein? Ah, c'est ouf! Ça fait flipper même. 150! Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles qui apparaissent? Oui, à mon avis, évidemment, oui. Ouais, mais c'est comme les bébés dans le monde, hein. Il y en a qui naissent, mais il y en a qui meurent aussi. C'est beau, c'est bah, évidemment. Donc, ça s'équilibre. Franchement, tu mets les gens de bonne humeur, Frisco, c'est top. Ouais, tu veux le chiffre exact? 356 000 naissances par jour pour 159 000 morts par jour. Voilà. Donc il y a quand même plus de naissances que de décès chaque jour. Désolé pour la mauvaise ambiance. Voilà. 193 000 véhicules fabriqués tous les jours dans le monde. Purée. C'est beaucoup, hein. Combien? 193 000 bagnoles. Waouh. Wow. Ça fait du carburant, hein. Ça fait beaucoup. Et allez, on finit avec ça aussi, un chiffre qui fait flipper. 171 millions de kilos de plastique est produit. Purée. Chaque jour dans le monde. 171 millions de kilos. Millions. Tout ça pour finir. J'espère que ça va diminuer. Hein. Dans l'océan. Et ça tue les requins et les dauphins. Et les tortues. Bravo. Non, mais c'est vrai, faites gaffe. Prenez le sac en papier privilégié. Mais ouais. Sac plastique. Ou alors, gardez-les. Recyclables. Gardez-les, allez refaire vos courses avec. C'est quoi. Ça. Que d'en acheter à chaque fois. Ouais. Après, t'as un placard réservé qu'à ça, un sac plastique. Voilà. Vrai ou faux. Et d'ailleurs, il est au même endroit chez tout le monde, c'est en dessous de l'évier. Voilà. Un sac plastique, si, en dessous de l'évier. Évidemment. Et puis tu l'ouvres, il y a tout qui tombe et tu dois tout remettre. Il y en a certains qui les ont dans le coffre, mais à chaque fois ils oublient de le prendre quand ils ont et donc ils font hey, purée, ils sont dans le coffre. Vous pouvez me remettre un, s'il vous plaît? Tout le temps. Ouais, c'est scandaleux. Non, faites attention vraiment. Pensez à la planète. Keep the planet calm. Ouais, c'est plus ou moins non, ça la phrase. Green. Keep the green planet. Yes, of course. Ouais. You speak English, toi? Et tu ferais bien Radio World bientôt en anglais? Ouais! Oh oui, je vous jure. J'ai envie d'appeler dans le Massachusetts. Allez, vas-y. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I got an idea. And I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Attention. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Vous n'auriez jamais trouvé à la Fnac les cadeaux qui font vraiment plaisir. Ça vient de la Fnac ? Oh, merci ! Ben, ouvre-le d'abord. Ah oui. Fnac, libérez votre curiosité. Bad Bunny et Drake côté dans un petit instant. Avant ça, c'est la météo pour aujourd'hui. Le temps deviendra sec en journée avec quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 4 et 9 degrés. Idem pour ce soir avec quelques brouillards en plus. Demain, beaucoup de nuages le matin. Demain après-midi, les températures seront comprises entre 2 et 8 degrés. On s'informe l'actualité de ce lundi 17 décembre et c'est avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Plus de 1200 pédiatres de l'ensemble du pays ont tenu à montrer leur mécontentement à la ministre de la Santé, Maggie De Bloch. Ils ont dénoncé les coûts supplémentaires que pourrait engendrer l'une de ces mesures. Selon les pédiatres, à partir de janvier 2019, chaque mère qui accouche normalement recevra la même enveloppe pour son nouveau-né jusqu'à ce qu'elle quitte la maternité et sans tenir compte des besoins en termes de soins du nouveau-né. Un collectif de gilets jaunes a annoncé avoir rejoint la manifestation antiraciste tenue hier à Bruxelles. Une manifestation en réponse à la marche d'extrême droite contre le pacte migratoire. Selon ce collectif des gilets jaunes, depuis une semaine, l'extrême droite tente d'instrumentaliser la colère sociale des gilets jaunes. Et selon eux, les partis d'extrême droite n'apportent aucune solution aux problèmes qu'ils dénoncent. La Pro League doit voter aujourd'hui les mesures relatives aux agents de joueurs. Le groupe d'experts présentera aujourd'hui ses recommandations au club de foot. Certaines d'entre elles feront l'objet d'un vote. L'ordre du jour concerne aussi les situations de Johan Timmer et de Paul Allart, dirigeant de Malines et de Moucron. Leur implication dans les scandales qui ont éclaté ces derniers temps pose en effet problème aux yeux de l'Union belge. L'équipe belge masculine de hockey a remporté la finale de la Coupe du Monde face aux Pays-Bas. Les Red Lions ont remporté la rencontre au terme d'une séance de tir au but extrêmement stressante. Dans l'histoire belge, il s'agit du premier trophée mondial d'une équipe sportive. Enfin, en football, le club de Bruges et Genk connaîtront aujourd'hui leur adversaire en 16e de finale de l'Europa League. Le tirage au sort sera effectué à Nyon à partir de 13h et juste avant à midi, c'est le tirage des 8e de finale de la Ligue des Champions. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Dites, puisqu'il y a un vaccin contre la grippe cet hiver, ce serait pas bête d'inventer le vaccin contre le 6-9 sur Énergie. Mais toujours autant de gentillesse, hein, celle-là, c'est incroyable. Hein. Incroyable. 8h34, bonjour. Lundi 17 décembre, le dernier lundi avant les vacances, les copains. Et lundi prochain, ça y est, ça sera Noël. C'est chouette. Hein. Trop bien. On va vivre tous ces moments ensemble, les passer ensemble avec les infos café dans un petit instant. Ça arrive après Bad Bunny et Drake maintenant. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Hasta mi respirar, contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Camila Cabello avec les Consequences. C'est ce qu'on va écouter dans un petit instant. Avant ça, 8h36, voici les infos café du lundi. J'ai de la pépite ce matin, c'est un info café, même j'ai envie de dire spécial argent. Beaucoup d'argent, je vais parler beaucoup d'argent. Okay. Et de l'argent que pourrait vous faire aussi vous, avec des trucs exceptionnels. Okay. Avant ça, je voudrais démarrer avec BFM TV. Alors c'est. J'ai hésité entre les mettre là-dedans ou dans les concons. Ouais, ça j'aurais peut être dans les concons. Ouais, ça peut paraître aux deux. Si vraiment c'est dans les deux. BFM TV qui s'est excusé après avoir diffusé I Shot the Sheriff, après la mort de l'annonce de la mort de Sheriff Chitak, là, le terroriste de Strasbourg, ouais. Les mecs, donc ils annoncent la mort du gars et ils mettent. Mais véridique, hein, à l'antenne, quoi. Ils sont ouf, les gens. Est-ce que tu crois pas que c'est quelqu'un de la technique qui avait déposé, qui avait déposé son préavis, qui s'est dit bon, ben moi j'ai plus qu'un jour à faire. Purée, ouais, le régisseur, là, tu vois. Et d'office, le régisseur, il s'est dit ouais, ils sont fous quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect total. Enfin, en plus, BFM, quoi, tu vois, qui sont les premiers tout le temps sur l'info, le truc. Ouais, c'est ça, l'info en continu. L'info et oui, il y a des barrières nadar, c'est génial. Ouais, c'est... À vous, les studios. Franchement, c'est tellement ça, des fois. Oui. Nous sommes en direct de la manif des Gilets jaunes. Et oui, tout à fait, la barrière nadar a bougé de 2 cm. C'est incroyable. C'est tellement ça. Ils te font des directs pour rien dire, c'est incroyable. Pour pas grand-chose. Enfin, voilà, je voulais vous en parler parce que ça m'avait choqué. Et vraiment, enfin, je trouve ça effarant, quoi. Bref, ils l'ont fait. Big up, ce concours de la semaine, c'est un peu les deux, là, hein, je vous le dis. Ouais. On va parler de Claudio Capeo. Donne-moi ta main, gamin, et prends la mienne. Claudio Capeo, alors Claudio Capeo c'est notre parrain, donc forcément je voulais vous parler de ça. Il va rejoindre la troupe des enfoirés. Ouais, oui, monsieur cool. Capeo devient un enfoiré en vrai. Et il y a Slimane aussi qui se joint à lui. Et Florent Pagny. Bon, Florent Pagny, lui. Il revient. C'est comme Claude François. Ça revient. Et exactement. Ah, il faut qu'il se paye sa veste en croco. Hein, donc ouais. Non, mais c'est super chouette pour Claudio. Non, très content. Très très chouette. Très content. Ouais. Claudio Capeo, Slimane, les Enfoirés, c'est très très c'est chouette. C'est pour le mois de mars, non? C'est fin d'année. Hein, fin d'année. Après quoi. Ouais. Ouais. Pas tout de suite. En 2019. Ça va arriver. Alors, je voulais vous parler de ça, c'est assez hallucinant. Ça s'est passé dans le New Jersey, aux États-Unis. je pense que c'est le truc qu'on aurait tous rêvé qui nous arrive. Vous êtes sur l'autoroute. Et vous croisez un véhicule Brinks. Vous voyez, les véhicules de... Non, c'est quoi ? Brinks, c'est les... Ah, qui transportent beaucoup d'argent. Ouais, ouais, les convoyeurs de fond. Ouais. Voilà. Les camions un peu carrés comme ça. Exactement. Et là, d'un coup, les portes s'ouvrent. Mais non. Sur et l'autoroute. Tous les billets s'envolent. Et tous les billets s'envolent. Oh, 300 000 $ qui se sont envolés. Oh, moi, je m'arrête, hein. Bah, t'inquiète pas que t'es pas la seule à s'en aller. Ah, bah oui, clairement. Clairement que tout le monde se sont arrêtés. Et ça contenait donc 2 sacs de 510 000 $, donc plus ou moins 300 000 €. Et ouais, il manque encore 293 000 $. Ah, bah, Tiffany est passée par là. Voilà, mais clairement, ouais. Moi, les portes s'ouvrent, mais évidemment, je mets les warnings, je m'arrête aussi. Hein. Moi, je m'arrête. Je me mets même en marche arrière, comme ça j'ouvre le coffre et je mets en marche, comme ça tout va dans le coffre directement. Alors ça c'est le bon plan, c'est une marque de boissons énergisantes qui a lancé ce défi. Est-ce que vous seriez capable de vous passer de votre smartphone pendant un an? Jamais de la vie. Ah j'ai vu ça, et ils payent. Ouais, ils payent cher en plus. Jamais de la vie. Vivre sans smartphone pendant un an, si vous en êtes capable, ils vous virent la somme de 88 000 €. Belle somme, quoi. Moi, impossible. 88 000 €. Ouais. 7 500 par mois. Mais attends, est-ce que tu peux avoir un GSM, faire des appels ou SMS? Non. Pas de smartphone, vraiment. Pas d'appel, pas de conversation SMS, rien du tout. T'as le droit d'avoir un fixe? Oui, si tu veux, oui. Bah donc, tu sais quand même appeler des gens. Oui, mais bon, pas voilà. Couper du monde. C'est pas le smartphone, quoi. 88 000. Ouais, 7 300 € par mois. Pas mal, hein, je dis. Franchement, je réfléchirais, moi. Bah, ouais, je réfléchirais à deux fois. Attends, c'est quand même une belle somme. 7 200 pour pas avoir de smartphone, je m'arrange. Hein. Ça me fait des vacances, moi. T'as le PC, t'as tout, hein, pour commencer. Mais oui, Tiffany. Hein. Bah, t'as la DSA, là. Et allez, je finis avec ça. Si vous voulez vous faire de l'argent aussi, c'est magique, c'est incroyable. J'ai envie de postuler à cette offre d'emploi, vraiment. C'est un couple, à mon avis, qui a beaucoup d'argent, qui cherche un photographe pour les suivre, en fait, sur leur voyage. Et prendre des belles photos. Ah oui, j'ai vu ça. Mais pour ça, il faut gérer la photo, Marco. Ah, faut... Bah ouais, mais je pourrais me débrouiller. Hein. T'en t'inquiète pas, tu sais, j'ai un bon flash canon dans la maison. Bouge pas, je vais chercher le poney. Et non, en plus, ils vont se faire le Grand Prix de Monaco, ils vont aller au Carnaval de Rio. Enfin, je veux dire, voilà, belles vacances. Et en plus, vous êtes payé 7 500 € par mois.

Vous cherchez un excellent parfum ou un cadeau beauté à offrir ? Chez Ici par XL, nous nous ferons un plaisir de vous aider, en parfumerie ou en ligne. Actuellement, Cacharel Anaïs Anaïs 30 ml est au prix spécial de 25 euros. Ici par XL, tellement plus qu'un cadeau idéal. Pour Thomas, les fêtes, c'est fait pour passer du bon temps avec les enfants. Bon alors, quel film ? Un film de pirates ! Bon, écoutez, il faut choisir parce que je dois encore faire les courses, moi. Relax, Thomas. En décembre, Deleuze livre gratuitement vos courses chez vous à partir de 75 euros. Ou passez nous voir si vous voulez prendre l'air. Deleuze, du côté de la vraie vie. Les supermarchés Deleuze ainsi que la plupart des AD Proxy Deleuze seront ouverts les dimanches 23 et lundi 24 décembre. Bienvenue à bord. Grâce aux Dream Deals de KLM, réservez votre vol aller-retour à partir de 339 euros vers Dubaï, Pékin, Johannesburg ou d'autres destinations au départ de la Belgique. Réservé avant le 27 décembre sur klm.be. Tarifs soumis à conditions. Bonne chance de fin d'année avec la Loterie Nationale. Bonjour, comment allez-vous ? Je suis le hibou du loto de Noël et j'ai une nouvelle époustouflante. Il y a en effet 2 500 000 euros à gagner ce 24 décembre grâce à notre loto de Noël. Houhou ! C'est le cas de le dire. N'oubliez pas de jouer au loto extra. Jouez maintenant à notre loto extra de Noël du 24 décembre. Il y a 2 500 000 euros à gagner. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Aucun ralentissement prévu au rayon crustacés. Les huîtres sont disponibles au meilleur prix chez Intermarché. The Prince Karma, c'est ce qu'on va écouter côté dans un instant. Il y a le Game Song qui va arriver et un point sur les routes. Yannick, ça donne quoi ce matin ? Eh bien, c'est très compliqué un peu partout à Bruxelles et ses environs. Trafic perturbé également de Waterloo à Bruxelles. Vous perdez une vingtaine de minutes. Trafic perturbé sur le ring intérieur de Bruxelles entre Anderlecht et Gette. Vous perdez 12 minutes. C'est aussi compliqué à Soigny. Et enfin, trafic perturbé sur le ring intérieur entre Boutier-Brenne et Bercelles. Vous perdez 15 minutes. Maman, parfois, elle rigole toute seule dans la voiture à cause du 6-9 sur Énergie. C'est trop marrant. Le 6-9 sur Énergie. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, Tess. J'adore ce titre, vraiment, je suis très très fan. Moi aussi, j'aime beaucoup. The Prince Karma qu'on vient d'écouter à l'instant sur Energy. 8h50, dans un petit instant, on va vous laisser avec El Bourgos de la radio, Monsieur Tanguy. J'ai vu passer. Ouais, il est à son bureau, je l'ai vu. Là. Ah bah d'accord, bah, il est là, c'est le principal. Il est arrivé. Il arrive dans un petit instant pour la playlist partagée. Je vous rappelle que vous pouvez faire la vôtre aussi, c'est sur energy.be. Et comme ça, tous les jours, à 9h, on vous diffuse votre playlist et à 20h aussi le soir avec Flo. Évidemment. Voilà. On va se quitter dans quelques minutes. Avant ça, un petit game song avant de partir. J'adore ce jeu. On rigole bien avec ce jeu à chaque fois. On remplace un mot en fait dans la chanson par un bruit d'animal, tout simplement. Et qui vient jouer avec nous ce matin? Alors, c'est Laurence qui travaille comme technicienne de laboratoire pour une grande firme pharmaceutique. Elle est mariée à Xavier, avec qui elle a eu un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Grégory. Elle aime lire, principalement les Musso et les Lévis, puisqu'elle en fait la collection. Et puis, elle aime regarder la série The Good Doctor, et elle est aussi archi fan de la cuisine asiatique. Ah, sympa. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Bonjour. Sois la bienvenue Laurence, ce matin dans le 6-9. Merci. La journée a déjà démarré ou pas encore? Oui, bien sûr. Tu démarres à quelle heure toi Laurence? À 7h30, je commence à travailler à 7h30 donc. Ah oui, d'accord, ok. Ah quand même. Ah quand même, oui, c'est des marteaux. Et ça consiste en quoi? En gros le métier de technicienne, c'est ça? De technicienne de laboratoire. Je fais des contrôles qualité de vaccins pour l'instant. Ah ok. Alors, le truc que personne n'adore, hein, on est bien d'accord. La pleine saison. Oui, ouais, c'est en ça. Plus. Eh ben Laurence, sois la bienvenue ce matin. Game Song avec toi. On va jouer. On a remplacé dans certaines chansons le mot qu'on va rechercher par un bruit d'animal, tout simplement. D'accord. Et à toi de retrouver le mot qu'on cherche. Ok. Oui. On y va avec le premier extrait. Une chanson de Zao. C'est parti. Il n'y a qu'un seul mot et c'est le titre de la chanson qu'on cherche. Laurence, une idée? Non, je sais pas. C'était quoi ce truc final? Aucune idée? Non, je sais pas, non. Ça ne te dit rien, Zao? Allez. Zao! Les copains, hey. Mais oui, c'est... on peut le dire? Chelou. Attends, est-ce qu'on le dit? Loup, c'est chelou. Trop tard. Oh, on l'a dit. Eh oui, c'était c'est chelou. Chelou, cette façon qu'elle a de te regarder. Bon, c'est pas récent non plus. Hein. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Laurent, celui-là, tu vas le trouver. C'est le titre de Georges Ezra. À ton avis, quel est le mot qui manque dans cet extrait? I'll be right. Underneath the heart sun, feeling like someone. I'll be right. C'est le titre aussi de la chanson de Georges Ezra. Une petite idée, Laurence? Oui, c'est Shotgun. C'est Shotgun. Shotgun, on vérifie. I'll be riding Shotgun. Mais oui! Bien joué, bonne réponse de Laurence, c'est bien Shotgun de Georges Ezra, bien vu. Oh, le dernier, tu devrais trouver sans problème, Laurence, je pense. Trouver. Oh, ça va, c'est là-bas. Lundi. Hein. Oh là là, je suis fatigué en plus. Mon corps n'est pas bien aujourd'hui. Je le sache. Et pourtant, on est là. Voici le dernier extrait, Laurence. Tu vas le trouver, je le sens bien. C'est parti. Oh, il était violent le dernier. Laurence, tu l'as trouvé. Oui, c'est moi. Envole-moi, on vérifie. Envole-moi. Bravo. Mais oui, bravo. C'est gagné. Ça change de tes laboratoires, hein, Laurence. Oui, tu m'étonnes. Eh ben, bravo, Laurence, du cadeau pour toi, c'est gagné ce matin. C'est génial, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Compile énergie, 4 places de ciné ou l'enceinte Bluetooth, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oui, l'enceinte Bluetooth, s'il vous plaît. L'enceinte Bluetooth, eh ben, pas de soucis. Je me suis demandé si gentiment, évidemment, avec plaisir. Hein. Avec plaisir, Laurence, on t'envoie ça à la maison. On te souhaite une très belle journée, à bientôt, Laurence. Merci, à bientôt. Grand bisous. Joyeux Noël aussi. Et oui, Noël, ouais. Et bonne fête de fin d'année. Tanguy, il est là, le beau gosse. Aussi. Ah si, il arrive après Maroon 5. You spent the weekend getting even. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I took a whole day up, trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backward, babe. And let me blow. Jamais été aussi en avance, dis donc. Incroyable. Vous voyez que tout peut arriver, hein, mon cher Tanguy. Hein. Tout est possible. Tout est possible, en effet. Tout arrive sur Énergie. C'est une possibilité. Nous allons finir cette émission à l'heure. Comment ça va, Tanguy? Ben écoute, je vais très très bien et je dois dire buongiorno. Buongiorno. On a passé un bon week-end. Un très bon week-end, mais comme je disais à Jérém, c'est vrai que allez, les fêtes approchent. Ben là, j'ai toujours plein de trucs à faire pendant le week-end et c'est un peu... Voilà, j'ai hâte que les fêtes passent. C'est vrai? Ah, tu fais partie de cette team-là, toi. La team, ouais. Ça me saoule, quoi. Je suis pas très fête, moi. Ah ouais? Ouais, non, moi, je suis pas très fête. Ouais, il écoute Mylène Farmer, il préfère non, mais rester vraiment. Tout seul dans sa chambre dans le noir. La groupie Mylène Farmer, pardon, LP. Le oui, ok, d'accord, je sais pas dire Mylène Farmer. Et ouais, alors? Ça a cassé toute ta vanne, hein, Frisco. Ouais. Elle a raison, là, je donne un point à Tiffany. Ah, Mylène, 5 euros dans la cagnotte pour toi. Ouais, bon, elle fait sa rebelle, en plus. Pourquoi? Parce que t'as pas su faire ta vanne. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, t'as raison, il y en a beaucoup qui les fêtent, c'est dingue ça. Il y en a qui. C'est pas leur truc, quoi. Ils ont vite envie que ça passe, quoi. Mais c'est surtout faire des cadeaux. Tu dois faire des cadeaux à Pierre, Paul, Jacques, même des gens que tu connais pas. T'es là, oh non! Qu'est-ce que je vais acheter? Ah, tu fais des cadeaux aux gens que tu connais? Pas? Oui, mais parfois, moi, quand tu fais une cacahuète. Et oui, ah oui, ok, d'accord, ok. Tu vois, quand tu fais une cacahuète, tu tires au sort et parfois tu connais pas. Alors, bien la personne. On a tenté la cacahuète dans ma belle famille, je crois que c'est la première et la dernière année qu'on va le faire. Pourquoi? Parce que les beaux-parents, je suis certain qu'ils ont acheté un cadeau pour tout le monde. Parce que, en fait, la maman de ma copine m'a tiré moi au sort. Ouais. Mais elle va pas m'offrir un cadeau à moi et pas à ses filles, tu vois. Évidemment. Donc je sais d'avance qu'ils vont offrir un cadeau à tout le monde. Donc on le fera qu'une fois. On leur a donné la cacahuète. Mais évidemment, je vois déjà la scène, elle va pas m'offrir un cadeau à moi et pas à leur fille. Par contre, toi, tu vas offrir un cadeau qu'à la personne que t'as tirée. Oh, ça c'est sûr, oui. Paradin. Pour une fois que je peux faire des économies, je vais pas m'en priver, mon pote. C'est fini pour aujourd'hui, les copains. Oh. Mais on revient demain. Bon préparatif de Noël parce que ouais, ça se prépare un petit peu tous les jours. Bonnes vacances aussi à ceux qui sont déjà concernés, même si c'est pas encore les vacances officielles, les examens sont derrière. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y en a qui terminaient aujourd'hui ou demain. Eh ben, courage à vous, Hakuna Matata. C'est bon, signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Excellente journée, profitez bien évidemment. Quel bonheur de d'être avec vous chaque matin. Je vous jure, c'est une chance extraordinaire qu'on a de vous accompagner et c'est un véritable bonheur. Demain, on sera là évidemment dès 6h avec tous les fifous. Belle journée, Tiffany. Belle journée, tout le monde. Bonne journée, mon Jérém. Bonne journée à vous. Bonne journée, mon fils. Tout le monde. Bonne journée, mon poulet. On aurait dit un chanteur. Ouais, t'as vu? On aurait dit. On aurait dit, mais c'est mon rêve depuis tout petit de faire ça. On vous souhaite une belle journée, les fifous. Soyez prudents et n'oubliez pas qu'on fête la vie chaque matin ici, tous ensemble, oui. Dans le 6-9 sur Énergie. Ouais, ouais. Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Allez, c'est parti, je m'installe et je suis avec vous jusque midi, comme tous les jours de la semaine. Bonjour tout le monde, c'est Tanguy. Et tous les jours, à 9h, place à la playlist partagée. Alors c'est vrai que tous les matins on nous dit il faut manger 5 fruits et légumes, il faut faire du sport pour être en forme. On ne nous dit pas assez qu'il faut écouter une playlist partagée tous les matins pour être de bonne humeur. Avec notamment la playlist de Claire qu'on va écouter aujourd'hui. Claire qui a choisi Imagine Dragons, Beyoncé ou encore David Guetta. Vous pouvez aussi faire votre titre sur energie.be. Foncez. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Composez votre playlist sur energie.be. Sophia, tu gestes. Bella! Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd, you know how to be a drrr. ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. And let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Mm-hmm. Baby, give it to me. I'll be good company. Baby, me nombre es Jason Derulo. Te doy un beso. la la. Ta la la la la. La. Excusez-moi. Ah oui, c'est pas grave, hein, 9h06, bah oui, vous venez peut-être de débarquer sur Énergie début de semaine. On a fait une petite blague pourrie, c'est vrai, je vous promets, il n'y en aura plus jusque midi. C'est Tanguy, les amis, et je suis en train de vous jouer la playlist partagée de Claire. Claire qui a choisi tous ces titres hein, qu'on est en train d'écouter, Imagine Dragons. On aura aussi Beyoncé, David Guetta ou Rita Ora, si vous aussi vous voulez faire votre playlist et être diffusé sur Énergie. Ça, c'est plutôt la classe. Eh ben, vous foncez maintenant sur énergie.be. Beyoncé, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Ah ben, c'est parti.